Bonjour, bonjour, c'est bien Bulle de rêve, l'émission spéciale cinéma d'animation sur Radio Libertaire pour la 12e ou 13e saison, je ne me rappelle plus bien, mais c'est à peu près ça, je vais vous répéter donc cette même phrase, forcément sur Radio Libertaire, puisque nulle part ailleurs on parlera et on aura deux heures sur le cinéma d'animation, et oui c'est ma 12e ou 13e saison à ce micro, avec des changements, je suis arrivé à l'heure. Hein ? Étonnant, tout le monde n'en revenait pas, c'est voilà, j'étais là 10 minutes avant, incroyable. Je me rappelle de ma première émission, si je dis pas de bêtises, avril 2004, j'avais autour de la table Valérie Pierson, Sébastien Lodenbach, Arthur de Pince et Jérémy Clapin. C'est pas mal pour une première émission, ils revenaient du Festival de Auch et je me rappelle toujours... De cette première émission parce que il y avait Serge Corman évidemment qui était là hein, j'avais dit un truc que je pensais intelligent à Valérie Pierson et Serge avait dit enfin bon ça on s'en fout de sa question c'est pas très intéressant oups et Jérémy Clapin m'avait dit je lui ai dit donc t'as eu un prix et il m'a dit non j'ai eu une mention c'est pas pareil qu'un prix et je me disais je vais y arriver quand même peut-être que je ferai 6 mois et donc ça fait 12-13 ans que je vous parle derrière ce micro BDR comme BDR, j'appelle BDR, Bulle de rêve. Toutes les émissions sont en ligne. J'ai repris parce que à chaque fois que je rentre pour voir et pour dire à Nicolas, faut mettre la troisième, je vois qu'il est sur The Web Anime et ça fait je sais pas combien de fois que j'annonce plus mes émissions. Ça y est, je les annonce de nouveau. Donc c'est tout en bas, c'est dans les news. Tout en bas, vous avez le Bulle de rêve et vous avez nos trois invités avec des liens sur leur site, sur leur actualité, etc., etc. Je mettrai aussi bientôt toutes les émissions en ligne avec. Cette interrogation qui est importante pour moi, qui a été l'invité qui est venu le plus souvent dans les émissions. Alors, quand j'ai fait le listing, je pense que ça devrait se tenir entre deux outsiders, enfin deux personnes qui sont hors concours, qui sont Francis Gavel et Olivier Catrin, mais on les comptera même plus parce que là, ils sont hors concours. Et après, pour le reste, je sais pas, j'hésite. Franck Dion est venu souvent. Enfin, je ferai la liste. Je l'ai pas encore fait, mais ça sera bientôt en ligne. Là, pour l'instant, je fais surtout des news, évidemment, sur le Piaf. Donc, je vais vous reparler, cet oiseau un peu particulier. L'idée, c'est évidemment, dans cette émission, on mettra toujours l'animation en avant, toutes ses formes, montrer toute la diversité, avec la création. Et alors là, autre événement absolument majeur, de Bulle de rêve. Quasiment toutes mes émissions sont prêtes pour l'année. Alors. Pour ceux qui sont tombés, ceux qui me connaissent et qui viennent de tomber de leur fauteuil, oui, je sais, ça peut paraître étonnant, mais là, regardez, mon émission, là, bon, ça va. L'émission d'après, c'est un débat critique. Ça y est, on va inventer, enfin, ce qu'avait fait Francis Gavel dans son émission déjà, ben, 4 fois dans l'année, vous aurez rendez-vous avec des critiques autour de cette table. Et puis, ben, ça a bien marché l'année dernière, mais je serai présent pour les faire écouter. Et ben, je vais essayer de, quand je me balade en festival comme ça, d'avoir des interviews. Et puis, ben, je viendrai ici, enfin, on fera un mix. Et donc, quasiment tout est fait. J'avoue que j'en reviens pas moi-même, c'est pour ça qu'il fallait que je vous l'annonce. L'idée, évidemment, c'est de montrer la force de l'animation, car quoi qu'il advient, le monde de demain appartient en grande partie à l'animation. Quoi qu'il advienne, c'est du NTM, ouais, je sais, fallait que je cite ça. C'est une nouvelle, hein, c'est un édito, nouvelle saison. Ne faisons pas ce que l'animation, dans l'animation, ce qui se passe avec les comédies musicales, vous avez vu qu'ils massacrent à tour de rôle toutes les grands classiques littéraires, là c'est le rouge et le noir, je sais plus ce qu'ils vont nous inventer d'autres comme conneries pour un petit peu foutre en l'air tout ça. La comédie musicale qui était quasiment inexistante en France il y a 15 ans, j'exagère, mais à peine, et qui aujourd'hui on a droit à tout, Robin des Bois contre les mousquetaires, qui se balade contre Spider-Man. Enfin bon, on sait pas trop, ça devient un petit peu n'importe quoi. Ne faisons pas ça avec l'animation. On a une année qui est assez extraordinaire qui arrive. L'animation, c'est une façon incroyable de voir le monde. Bah, comme beaucoup de monde hein, le disent, soi-disant, on voit ce monde à travers des yeux d'enfant. Non, c'est terrible un regard d'enfant des fois, n'est-ce pas, Francis? Les gens qui aiment l'animation ne se cachent pas de la réalité. Vous savez, c'est le fameux. Godard qui cite Bazin au début du Mépris, le cinéma substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs. C'est pas ça cette idée-là. Non, au contraire, on a des films absolument d'une grande force. On le verra aussi bien en court-métrage qu'en long-métrage. On aura La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach et ou Ma vie de courgette, film incroyable et incroyablement dialogué. Donc l'animation, c'est juste une autre façon de voir le monde. Pardon, d'autres façons au pluriel et le festival dont je vais vous parler, Bulle de rêve, tout ça, on va continuer à se battre pour que l'animation soit reconnue comme ce cinéma parmi d'autres cinémas, et ça c'est important. 3 personnes autour de la table, enfin 4 avec moi, mais moi je compte pas, donc 3, et même si la troisième n'est pas encore là, mais il devrait arriver en face bientôt, je l'espère. 3 personnes. Tamara Papé, bonjour Tamara. Bonjour. Qui va venir nous parler, elle aura une conférence tout à fait normale, de 2 heures, en plus 1h30, donc voilà, une bonne conférence lors du festival. Elle va nous expliquer aussi bien le travail de son père Julien Papé, qui a été très important, des studios Magic Film, et évidemment dans une deuxième partie ce qu'on aura dans cette conférence. On a un deuxième invité, donc celui qui n'est pas là, qui s'appelle Samuel Yal. Samuel Yal, vous l'avez entendu il y a très très longtemps ici. Il était venu pour un spécial Annecy, il était venu nous parler un petit peu de son festival. Il a fait un film qui s'appelle Noévus, qui est une merveille, une petite merveille dans le monde de l'animation, très étonnante. Il est au croisement entre l'art contemporain et l'animation. Il va venir nous parler. Et le troisième, c'est l'homme de Sao Paulo. Et oui, c'est à lui qu'on devait l'homme de Rio, hein, au tout début. Georges Delerue, l'homme de Rio, avec le générique, la batucada générique. Notre Jean-Paul Belmondo du jour, Francis Gavel. Bonjour. Voilà, Francis qui viendra nous parler cette fois-ci, parce qu'il nous a déjà parlé de son film, mais Francis va nous en parler de manière là. Il est invité, c'est pas juste au détour. Au fait, t'es devenu réalisateur, il va nous parler de ce film, et à la fin, Samuel et Francis nous parleront de l'importance de présenter les films autour du monde, puisque l'un, donc vous l'avez compris, Francis revient du Brésil et Samuel revient du Japon. Donc voilà, les deux nous parleront un petit peu de ça. Pour faire d'abord évidemment une petite coupure, je vous reparlerai du Piaf et on enchaînera bien sûr avec Tamara Papé. Pour faire une petite coupure, allez. Bon allez, on l'écoute, c'est le numéro 2, Changes. Non, c'est pas une reprise de David Bowie. Vous écoutez puis je vous en reparle juste après. À tout de suite. Thank you. alors que vous n'avez pas entendu, pendant que vous entendiez cette chanson, petit cours sur le cinéma brésilien de Francis Gavel à Tamara. En même temps, il dit non parce que Bernard Payen pourrait venir et dire ah, c'est moi le spécialiste, comment ça? Ce que vous venez d'entendre, c'est allez, la fierté du grand frère, évidemment, par rapport à son petit frère. Vous venez d'entendre à la voix en plus. Félix Huneau. Donc mon frère, vous avez déjà entendu The Three Blind Mice, qui est son nouveau groupe, hein, qui est le groupe qui avec Malo Mazurier, Sébastien Girardeau. Mais là, j'avoue que entendre mon frère chanter comme ça, ça m'a fait évidemment très très plaisir. Donc je mettrai évidemment le lien, mais c'est les Three Blind Mice, donc qui est, vous trouvez l'album. Ils ont malheureusement pour l'instant que, faut avoir Facebook, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous le repasserai, vous inquiétez pas, bien évidemment, vous en doutez. Le PIAF, le Paris International Animation Film Festival, où faut trouver un nom en français. Alors, je vous le dis de suite, Antoine Lopez, je le cite, avait trouvé le pipi. Le Paris, c'était quoi le Paris image par image? Voilà, le Paris image par image. J'ai trouvé beaucoup plus beau le hippie image Paris mage, comme des magiciens. Je sais pas ce qu'on a. Comme je disais, moi, souvent, quand j'ai des enfants et qu'ils me demandent comment je m'appelle, je leur fais vous m'appelez comme vous avez envie, on a donné nous un nom. En fait, c'est vous, c'est, j'espère, le plus possible les spectateurs qui, d'un seul coup, donneront le nom au festival. Je sais que Sylvie, qui était là lors de la dernière émission, y tient beaucoup. J'avoue que moi, ça m'intéresse un petit peu moins. On l'appellera comme ils devront l'appeler. Avec un peu de chance, ça sera « Ah, tu vas aller au Festival de Paris ?» Et ça faudra dire « Le Festival de Paris d'animation ». C'est pas grave. Pour l'instant, vous avez vu, si, je vais pas vous reparler de toute la programmation. On vous l'a faite il y a une quinzaine de jours. L'émission est en ligne encore sur Radio Libertaire, le podcast, ou sur The Web Anime. Vous avez le choix. On a fait une émission en plus, merci à Nicolas, et l'émission qui n'était pas là, qui était, je crois, longtemps d'ailleurs. Donc ça, c'était bien. On a eu un peu plus de deux heures en plus. Vous avez tout. Je vous rappelle que mercredi prochain, il y a une première soirée. Vous avez, c'est encore le nom de l'association qui organise le festival, un Croc Anime. Donc c'est info@crocanime.org pour réserver. Mercredi prochain à 20h, on aura Delphine Maury, très très important pour ce qui se passe aujourd'hui, même en sortant de l'école. C'est la production qu'elle a mis en place, et notamment par rapport à tout ce qu'elle fait sur la série télé. Mardi d'après, je sais pas comment faut que je le dise, mais parce qu'en plus, enfin, on a commencé en retard, donc il y a encore des places. Ça me paraît très étonnant que, très modestement, moi, vous soyez venus nombreux lors de la cérémonie d'ouverture l'année dernière, et que la soirée avec Jean-François Leguioni ne puisse ne pas être complète. Ça me paraîtrait complètement fou. On a la chance de l'avoir pendant deux heures. Pas plus de deux heures, promis Francis. On tiendra les horaires, ça commencera à 8h pile. Donc voilà, mais voilà, c'est assez extraordinaire. Et après, on va dérouler pendant une semaine les séances jeunesse le mercredi après-midi. Je vous rappelle, 19h30 tous les soirs du 13 au 18 septembre. Alors, ça sera le mercredi, jeudi, vendredi, les séances officielles de court-métrage, dont... le film de Francis Gavel et de Samuel Yal seront en compétition. Le soir à 21h30, vous avez des séances étudiants le mercredi et le jeudi. Vous avez à 17h30 tous les jours une séance sur un focus, la Cambre, école extraordinaire qui se situe à Bruxelles le mercredi. La technique de la marionnette à fil, où on se posera la question, comme on l'a déjà dit, de l'animation. Est-ce que c'est de l'image par image, ou est-ce que c'est donner vie à quelque chose qui n'a pas vie, avec Thomas Guérigen. Et l'animation chinoise indépendante le vendredi. À 15h30 vendredi aussi, le cinéma peu vu, les cinématographies peu connues, notamment d'Afrique et d'Amérique du Sud. À 21h30, la séance, l'une des séances événements, puisque France Télévisions nous permet de montrer les trois ou quatre premiers épisodes, pardon, de Last Man, série très très attendue. Et le samedi, le DA est un con. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette séance, elle a changé en tout cas. Voilà, qui est, j'ai pu me planter, donc Sylvie et une partie de l'équipe ont fait une sélection pour vous présenter d'autres courts-métrages que moi, je n'aurais pas présentés en sélection. 13h30, donc Tamara Papé nous en parlera un tout petit peu plus pour sa conférence. 15h30, sélection de commandes. En fait, je fais ça pour bien savoir si je me souviens bien tout dans tête, puisque j'ai pas de papier, évidemment, là, faut que je me souvienne bien. 15h30, donc voilà, sélection commande. 17h30, on aura, ça y est, il fallait bien que... Tome, peut dire que son nom aussi, un studio d'Augusto Zanovello, qui a fait Lettres de femme, dont j'ai oublié le nom, mais enfin là, son studio, jeune studio, qui fait donc de la stop motion, comme on dit chez les gens branchés, et ensuite la cérémonie de clôture avec des super jurys qui nous donneront leur palmarès, et après le palmarès, voilà. Très très belle, enfin très belle, c'est pas à moi de dire c'est pas à moi de dire, très belle séance, j'espère en tout cas que vous trouverez, toutes ces séances sont gratuites, c'est au théâtre de Ménilmontant, voilà, du 13 au 19. Commençons donc avec aujourd'hui Tamara Papé. Bonjour Tamara. Bonjour Alexis. Et alors on va pas parler d'elle de suite, mais Tamara, ça fait partie de ces gens, il y en a quelques-uns qui, plutôt que de, on va dire, garder l'héritage de leurs parents comme ça et en faire un peu n'importe quoi, comme beaucoup de gens qui sont ayant droit, aiment bien au contraire essayer que ça vive et de le voir un peu partout dans les festivals. Et c'est quelque chose d'important pour toi de continuer comme ça ce que ton père oui, a fait. Oui, c'est-à-dire que ce serait dommage de laisser ça dans des caves ou dans des cartons, je veux dire, et que ce soit visible par personne, parce qu'il y a des jolies pépites, et que ces films, en fait, sont intemporels. En fait, ils ont eu du succès quand ils ont été vus au moment de leur fabrication, dans les années 60-70. Et puis, aujourd'hui, quand on les remontre, sont toujours autant appréciés, quoi. Donc, pourquoi ils n'auraient pas une vie, ils ne conduiraient pas leur vie, quoi. Et puis, en dehors des films d'animation, comme il y a aussi tout ce qui concerne les pionniers du cinéma, et comme aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à l'histoire du cinéma, moi je veux dire, j'ai été avec mon père vraiment à la source, je veux dire, de la mise en valeur et de la possibilité de voir en film, en fait, 35, toutes ces, un certain nombre, on va dire, de pépites des pionniers du cinéma. C'est un parcours, moi je l'ai lu récemment, c'est un parcours étonnant quand même, celui de Julien Papé, puisque donc il est né en Pologne, d'ailleurs un peu comme Starevitch, il est né en Pologne, tout il va en Russie, sauf qu'il d'ailleurs retourne... il le connaissait. Et en Russie, il travaille sur Ivan le Terrible. Oui, tout à fait. Il a travaillé sur les plateaux d'Ivan le Terrible. Mais alors là, il travaillait comme décorateur. Ouais. Il était très jeune, hein. Je veux dire, il avait fui la Pologne parce que c'était une question de vie ou de mort. Je veux dire, ses parents lui ont dit, va plutôt vers l'Est. Voilà. À ce moment-là, d'ailleurs, il a perdu contact avec sa famille, hein. Et il est parti. Il n'était pas du tout majeur encore, hein. En fait, il a menti sur son âge, je veux dire, pour pouvoir traverser la Russie. Et un jour, effectivement, vers Alma, il s'est retrouvé sur les plateaux de Ivan le Terrible. Il est resté donc pour réaliser ce film, mais en fait il est resté en Russie aussi ensuite parce que ça lui a beaucoup plu. Je dirais, les gens qu'il a rencontrés l'ont vraiment beaucoup fasciné, et il avait envie d'apprendre avec eux, et donc il est allé au studio de Mosfilm à Moscou. Il est resté 2 ans en fait à apprendre le cinéma, justement, à Mosfilm à Moscou. Donc prise de vue réelle, les décors, toujours, on tout est alors, c'est plutôt là-dedans, d'accord. Tout à fait, mais c'est vrai qu'au départ, je veux dire, c'est quelqu'un qui, c'est vraiment un artisan, hein. Il fabrique tout avec ses mains, d'ailleurs, donc il s'occupait des décors, il s'occupait de réparer les caméras, de construire des tas de choses, avant, et puis aussi des marionnettes, justement. Il a commencé sa vie, qui n'était pas encore, justement, le cinéma, parce que tant qu'il était... pas vraiment, on va dire. Il s'intéressait aux marionnettes et il a fabriqué ces marionnettes en bois. Je veux dire, il les a sculptées, puis il les a animées, justement. Donc le focus, c'est intéressant parce qu'il me parle beaucoup, hein. Et d'ailleurs, quand il est rentré en Pologne ensuite, après la guerre, il a pris la direction d'un théâtre, et c'était un théâtre de marionnettes, justement, pour présenter des spectacles qui n'étaient pas du tout des spectacles pour enfants, hein, parce qu'il y a une tradition... dans les pays de l'Est, vous savez, avec la marionnette, la marionnette, c'est quelque chose de satirique qui parle de la société, qui parle des mots, je veux dire, de tous les jours, de la politique, enfin. Et donc, c'était un théâtre de ce type, en fait. Et donc, après le retour en Pologne, il va se retrouver dans les années quoi, 60 en France, ou il arrive un peu avant? Ah non, il arrive en 47. Il arrive en 47. En 1947. D'accord. Non, en fait, il a fui la Pologne parce que la Pologne, comme vous savez, est devenue communiste après la guerre, n'est-ce pas? Le rideau s'est fermé, n'est-ce pas? Rideau de fer. Et donc, les années juste après la guerre, c'était encore un peu d'ouverture. Et puis, quelques 2 ans après, 2-3 ans après, ça s'est totalement fermé. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire. Mmh. Voilà. Et lui, ne voulant vraiment pas participer en fait à ce pays. Parce qu'il était déjà dans la culture, je veux dire, on lui proposait des théâtres, on lui proposait des postes, etc. Mais c'était pas son intérêt du tout. Donc il a fui, en fait, il a profité d'une invitation qu'il avait reçue de l'UNESCO pour présenter justement un spectacle de théâtre à venir à Paris. Et puis il est resté. C'était en 1947. Donc 47, donc bien plus tôt que je pensais, parce que ce qui est connu évidemment, c'est la création de Magic Film. Oui, mais Magic Film a commencé, tard, mais pas tant plus tard que ça en fait. C'est-à-dire que vous savez, Magic Film, en fait, il a quand il est arrivé, il avait envie de travailler dans les studios français, mais il n'avait pas le droit parce qu'il était apatride. Il n'avait pas de papier. Et donc il n'était pas le bienvenu quelque part. Donc il ne pouvait pas s'insérer en fait dans le milieu professionnel, alors qu'il en avait envie. Et donc pour lui, la seule solution, c'était de devenir indépendant et donc de créer son propre outil de travail. Ce qu'il a fait, parce que la première création de Magic Film, les papiers s'est déposé en 1948. D'accord. Donc voilà, la naissance de Magic Film, c'est 1948. Mais au départ, je veux dire, c'est un lieu, je veux dire, qui lui sert, vous voyez, administratif, on va dire. Ça n'a pas encore pris son essor. Parce que voilà, donc au départ il est animateur pour d'autres, hein, je veux dire, il a travaillé avec Grimaud, il a travaillé avec des gens de l'époque, je veux dire, mais en tant qu'animateur, mais indépendant, c'est-à-dire pas pour d'un studio ou quelque part, en tant que Magic Film, Julien Papé, animateur indépendant. Donc il rencontre un peu tous les gens de l'époque, Grimaud, Bochet, enfin... Il a fait des films avec lui, tout à fait. Mais en tant qu'animateur. Est-ce qu'on peut dire que le grand moment, c'est la rencontre avec le service de la recherche de l'ORTF, et qui d'un seul coup le met plus en tant que réalisateur ou, En fait, il a... un peu avant, parce que Magic Film, déjà, avait démarré un peu avant, et puis il avait réalisé un film qui s'appelait L'Oiseau en papier. L'Oiseau en papier, c'était avant l'ORTF, Oui, c'était juste avant, justement, 61, et c'était un papier découpé, pastel, des dessins en pastel, papier découpé, une espèce de marionnette animée, d'ailleurs, justement. Et donc, il a fait ça avant, en fait. Mais le succès de ce film a été très important, en fait, à l'époque. Il est parti dans les festivals, un peu à droite, à gauche. Et là, le succès aidant, il a pu développer le studio, parce qu'il a créé son studio, c'est-à-dire qu'il a fabriqué des outils de travail par rapport à ce qu'il avait envie de voir sur le film. Donc il a créé ses machines, ce qu'il avait appris en Russie, il l'a appliqué au studio Magic Film. Donc il construisait ses caméras avec des outils différents. Il allait au puce de Montreuil chercher des machins. Voilà, et il fabriquait des choses qui ont l'air aujourd'hui assez étonnantes, quoi. Je veux dire, quand on voit ces machines, vous voyez, ça prend presque la place du studio, la machine. Hein. Attention, hein. C'est pas des tout petits trucs. Mais ça lui permettait d'aller dans le sens de sa vision, de son envie. Et donc, il n'avait quand même pas beaucoup de moyens, donc il a cherché des partenaires. Et donc, il s'est allié aux partenaires ORTF, parce qu'ils avaient un peu le même type de recherche, quoi, que lui. C'est aussi comme lui. Enfin, le RTF, c'est un lieu de recherche visuelle, hein, de l'image et du son. Et Julien, c'est complètement ça. C'est son esprit, c'est rechercher, je veux dire, des nouvelles images, des nouvelles formes. Avec des choses assez folles comme Sophie et les gammes, ça, c'est bien. C'est ça. C'est le RTF, ça, on est d'accord. Non, c'est le vrai. Si. D'abord, ça a été La Mare aux Garçons avant Sophie et les gammes. Donc, La Mare aux Garçons, ce sont des animations. Enfin, on peut appeler ça un film animé, mais ce sont des acteurs, en fait. Ouais, et tout est refilmé. C'est-à-dire qu'il les filme sur le plateau avec toute sa machinerie, la bizarroïde. Et puis, ensuite, il les retravaille sur le ventre, en fait. Donc, il repasse tout. Voilà, et il est... Mais j'aime beaucoup ce film, Mare aux Garçons. J'ai joué dedans, d'ailleurs. Petite, j'avais 4 ans. Même pas. Et à côté, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Christophe Averty, Avant l'heure, enfin... Oui, tout à fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est un vrai bonheur de s'amuser avec les images. De s'amuser, voilà. Et de s'amuser aussi avec les mots, parce que La Mare aux Garçons, c'est aussi de la poésie, en même temps des images, en même temps... C'est du noir et blanc, en plus, c'est un très beau noir et blanc. Voilà, et après, il y a eu effectivement Sophie et les gammes, parce que là, il avait amélioré sa technique, alors il a fait un autre truc. Sophie et les gammes, aujourd'hui, Sophie et les gammes, c'est un film vraiment qui a beaucoup de succès. Oui, hein, c'est un film qui passe. Je sais, alors, ben, voilà, Isabelle Vanini, moi je sais, je l'ai déjà vu dans des Qu'elle peut, elle le montre. Je me demande s'il ne doit pas être dans les collections du Forum des images. Si, si. Hein, c'est ça, hein, il doit être. Il est là, donc visible. Là-bas, et toi, tu essayes de le montrer alors, des séances. Oui, alors j'ai la chance en fait aussi de travailler, enfin pour ce type de choses, je veux dire de mise en valeur justement du patrimoine, de travailler avec les archives du film français et notamment Jean-Baptiste Garnero, avec qui on est vraiment très en lien et qui lui-même, je veux dire, connaît ses films et les programmes dans des écoles à Valence, dans des festivals où il va, etc. Voilà, donc du coup, ça permet vraiment à ce film de vivre. À Lille aussi, au Festival d'animation de Lille. Il est passé à Meknès, au FICAM. À Meknès, ah, c'est passé, etc. Donc, Et voilà, et donc je suis contente parce que je pense qu'ils ils peuvent encore avoir une longue vie, ces films. Et puis après, il y a l'autre volet. Donc, Alors, et non, est-ce qu'on connaît moins juste avant de passer à la restauration, oui. C'est aussi la production, puisqu'il a produit Les Dents du Singe de René Laloux. Oui. Et notamment, il a été producteur, je ne savais pas, sur Ubu et la Grande Idée de Yann Enitza. Donc, ah oui, c'est un long métrage. Long métrage. Oui, c'est pour ça. Oui, oui. Long métrage. Ah ben, c'est le seul long métrage du studio. Moi, c'est là où j'ai commencé vraiment mon travail de stagiaire monteuse, parce que je suis devenue chef monteuse, donc ensuite, pendant de longues années. Et c'est ce film sur lequel j'ai fait mon premier stage. Donc ça a duré 9 mois, 10 mois pratiquement, 10 mois de fabrication. Dans les studios, c'était chez lui. Hein. Le studio, c'était chez lui. Vous savez, c'est comme Starevitch, comme voilà, tous ces gens qui travaillent avec leur famille, dans leur maison. Vous voyez, ça, c'était Magic Film, Julien. Donc oui, ça, c'était très long comme fabrication. Hein. Il y avait beaucoup d'ailleurs plusieurs animateurs et c'était voilà. Nous, ça nous fait aventure. Un peu rêver quand on aime l'animation. C'est-à-dire que toi, toute petite, Yann Enitza, tu le croisais au studio, Boucher. Enfin, tous ces gens-là, c'était des gens comme ça. Oui, ben comme tous les gens qui sont fils de quelqu'un qui travaille déjà dans le milieu. Je veux dire, après tout, ça dépend de ce qu'on en fait après derrière. Hein. Ça peut être une richesse, puis ça peut être aussi pas grand-chose, je veux dire. C'est... Voilà. Donc c'est devenu une richesse parce que tu as décidé de continuer. On va voir ça dans une deuxième partie. On va parler plus de la restauration et de la conférence quand même, hein, que tu vas nous donner. Entre-temps, Samuel Yal, bonjour. Bonjour. Samuel est arrivé. On parlera de lui avec lui dans une troisième partie. Et pour l'instant, nous écoutons un monsieur qui s'appelle David Teboul. Mais il s'est dit que c'était peut-être pas génial comme nom, donc il a décidé de s'appeler ensuite Liner Bells en anglais. Et réellement là, c'est un autre groupe qui s'appelle Kissy Suzuki. Kissy Suzuki, c'est un personnage de James Bond. C'est une James Bond girl. Je m'en rappelle plus quelle, pardon. Et c'est là où on voit que j'ai encore du travail à faire pour devenir Francis Gavel, mais j'y arriverai. Et le morceau s'appelle Port Green, qui doit être normalement le troisième morceau, si je dis pas de bêtises. Par contre, j'ai bien fait les choses. Et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, il y a tout un... J'ai distribué le catalogue, merci beaucoup à Sylvie. Voilà, petite dédicace en direct, parce que voilà, je n'ai pas le temps de t'envoyer un SMS. Mais merci beaucoup d'avoir déposé les catalogues que vous avez. Et en effet, donc, on est toujours sur ce nom où on veut absolument que ce soit le PIAF et non pas le FIFAP, qui ressemble, comme je dis, à un truc de la fédération de football, un truc en plus un peu vérolé et tout. Donc voilà, il faut trouver. Et puis ça ressemble aussi à un autre festival audiovisuel, hein, qui est le FIFA à Biarritz, hein, je le rappelle. Exact, c'est ça. Donc ça créera confusion, quoi. Et Francis, c'est un peu la grande autorité des festivals, le GAF, grande autorité des festivals. C'est le mec où on va le voir, on lui dit, on peut faire ça, il fait. Non, parce que tel festival en Équateur l'a fait en 1949, et ça, c'est plus possible de le faire. Et ça, j'aime beaucoup pour ça, Francis. On écoute Kissy Suzuki et on revient sur Tamara Papé. Pourquoi Julien Papé a voulu d'un seul coup faire tout ce travail de restauration à un moment donné, lui qui était parti dans de la création, il aurait pu rester dans cette idée de réalisation, de production. Mais voulu. Il s'est engagé dedans avec Gog Bonheur, mais ceux qui ont voulu en premier, c'est les archives des films, ouais. Parce que justement, il trouvait personne. Personne pour faire vivre, je veux dire, ces images. Ils sont très particulières parce que les images des pionniers, c'est de la pellicule, mais qui n'a pas de perforation ou qui en a qu'une au niveau central. Je veux dire, donc ça peut pas se transposer en film, ça c'est compliqué, surtout dans les années 80 quand il a commencé, même pas 75. Les premières approches c'était en 75. Donc non, c'est les archives du film, la cinémathèque. Ils cherchaient vraiment quelqu'un. Un artisan du cinéma, je veux dire, qui puisse être capable de comprendre déjà au niveau mécanique. Je veux dire, qu'est-ce que c'était la mécanique pour passer ces films des pionniers du cinéma. Et il se trouve que pour Julien, c'était vraiment naturel, puisqu'il avait vraiment eu déjà ce parcours, justement, grâce à son travail avec... Eisenstein, voilà, en Russie, avec la Mosfilm, etc. Et puis parce que c'est aussi dans sa nature qu'il a aussi construit son propre studio avec ses propres caméras. Il a construit une Truca avec laquelle il a fait des choses magnifiques. À l'époque, dans les années 70, il faisait des bandes-annonces pour les gens de la Nouvelle Vague. Je veux dire, personne dans tout Paris ne savait faire ce qu'il savait faire. Donc les gens venaient le voir. Je veux dire, toutes les gens de la Nouvelle Vague venaient le voir. Donc il a fait pour François Truffaut, pour Godard, pour des tas de gens, des très belles bandes-annonces avec sa Truca. Et comme il disait lui-même, je veux dire, cette Truca, c'était un peu sa continuité, comme Méliès. Je veux dire, il pouvait la faire fonctionner. Il était le seul à pouvoir la faire fonctionner, en gros. Voilà, c'était sa machine, c'était sa continuité. Donc, les archives du film, voilà. C'est aussi pourquoi les archives du film ont réussi à le trouver. C'est pas par hasard non plus, parce que Julien, donc, Papé, n'a pas un nom polonais, on dirait pas, hein, Papé. Hein. C'est un peu des mystères, mais bon. Mais il est vraiment, réellement, tout à fait polonais à 100%. Et les archives du film ont été fondées, entre autres, par un polonais. Qui s'appelle Andrzej Dija, ou Andrzej Dija, disent les Français. Et donc, il est le cofondateur. Et donc, il est arrivé en France à peu près dans les mêmes années que Julien. Un peu après. Mais donc, il connaissait bien sûr Julien et son travail. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a pensé à aller le voir. Et à partir de là... C'est pas évident, parce que remettre en circulation ce qu'avaient été les bandes animées d'Émile Reynaud, enfin, etc., c'est tout un travail qui est... Très compliqué. Il a mis 15 ans. 15 ans, c'est-à-dire Braquemont, c'est-à-dire celui qui a construit l'outil qui passait les bandes d'Émile Reynaud, c'est-à-dire ça s'appelle le théâtre optique. J'ai oublié son prénom, hein, Braquemont, bon, c'est pas grave. En tout cas, cet homme-là, c'était le constructeur de la machine, hein, c'était Braquemont, c'était pas mon père. Et celui qui a refait les bandes, hein, je veux dire, parce que Émile Reynaud, il a détruit ses bandes, hein, donc Julien, il a dû comprendre, en fait, la démarche inventive du créateur pour pouvoir vraiment les refaire et qu'elle puisse rentrer de nouveau dans cette fameuse machine qui, elle, existe, qui a aussi été reconstruite par Braquemont. Et à partir de là, on a pu refaire le spectacle tel qu'il a été en 1892, la première fois, au musée Grévin. Donc, grâce à Braquemont, et grâce à Julien Papé. Mais après, une fois qu'on a tout ça, il faut pouvoir le mettre en film. C'est encore une autre paire de manches. Parce que Émile Reynaud, il a fait une animation donc, qui est manuelle, on va dire, quelque part, et qui peut durer 5 minutes, mais s'il a envie, elle peut durer 15 minutes. Voilà, juste pour dire, hein, c'était des manivelles, et il tournait lui-même, et il pouvait ralentir, accélérer un peu comme il voulait. Et il avait donc un musicien, un pianiste, qui l'accompagnait, je veux dire, en live, et qui s'adaptait, je veux dire, à l'animation qu'il présentait sur l'écran. Donc, Émile Reynaud. Donc, comment faire pour mettre tout ça en 35, je veux dire, parce que là, il faut s'écarrer, il y a un temps défini, voilà, mais c'est les 15 ans de travail. Et donc, ça a donné ce qui est aujourd'hui une des bases, même, moi, enfin, j'avoue, hein, d'histoire du cinéma d'animation. Quand on présente l'histoire du cinéma d'animation, ben, oui. On présente ces bandes-là en disant, bah, regardez, voilà, ça, c'est le début, c'est là que tout commence, fait, quoi. Tout à fait. Et, mais alors, c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de... Moi, j'œuvre beaucoup, vraiment, pour faire comprendre que ce travail, le film, n'est pas, je veux dire, la création d'Émile Reynaud. Mais pas parce que, je veux dire, je vais absolument mettre Julien Papé en avant, mais je veux dire, ça n'est pas rendre hommage non plus à Émile Reynaud, qui, à son époque, a vraiment inventé beaucoup de choses, mais il n'a pas créé le film. Alors, le film que l'on peut voir aujourd'hui en 35, c'est vraiment... Deux choses bien différentes, mais ça permet de... Parce qu'il faut vraiment comprendre que c'est une vision de ce qu'a été le spectacle, puisque Julien, il a décidé que le film ne ferait pas plus de 5 minutes. Mais il aurait très bien pu faire un film de 10. Faire, oui, après, c'était son choix par rapport à ce qu'il a compris de l'animation, etc. Et donc, il l'a arrêté. Et le film qu'on voit aujourd'hui d'Émile Reynaud, donc en 35, il fait 5 minutes. Mais la réalité... Elle n'est pas tout à fait comme ça. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu décides de continuer ce travail sur les archives? C'est comme ça, plutôt que monteuse, enfin plutôt que partir sur d'autres choses? Non, mais j'ai travaillé pendant 20 ans en tant que chef monteuse sur des fictions, sur des documentaires, à la télévision aussi. Enfin, je veux dire, j'ai fait mon travail de chef monteuse dans différents secteurs. Et puis, à un moment donné, mon père aussi, il prenait de l'âge, il commençait à vieillir. Son studio, je veux dire, c'était des montagnes de films, des montagnes de dessins. Je veux dire, parce qu'il a accueilli énormément de créateurs au sein de son studio. D'ailleurs, notamment, je dis toujours ça parce que c'est drôle, le père de Mathieu Kassovitz, Peter Kassovitz, ouais. Qui en fait était un cinéaste, animateur, hein, qui a travaillé à l'ERTF. C'est comme ça qu'il s'était rencontré avec Julien. Et donc, ces créateurs, ils ont fait des dessins, ils ont fait des films, donc à travers Magic Film, et tout ça, c'est resté dans le studio. Donc, des montagnes de dessins, des montagnes de films. Qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, on ne va pas mettre ça, on ne va pas jeter tout ça. Voilà, donc après, il faut faire œuvre de patrimoine, quoi. Donc, c'est un peu le versant de mon travail aujourd'hui. Voilà, je veux dire, les dessins, je veux dire, l'iconographie, elle est partie au musée d'Annecy, à la Citia. Où ils le conservent très bien, je veux dire, et puis ils ont fait un archivage vraiment super. Et puis les films, ils sont en grande partie partis aux archives du film à Bois d'Arcy, mais aussi à Toulouse, je veux dire, et à Jean Vigo, à l'Institut, la Cinémathèque de Jean Vigo, parce qu'il y avait des relations avec ces gens-là à ce moment-là. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, hein, je veux dire, des films, je vous le dis. C'était. Voilà, Julien Papé, il vivait dans 350 mètres carrés. C'était la maison qu'il avait construite de ses petites mains, d'ailleurs. Parce que voilà, il faisait tout. Mais à l'intérieur de cette maison, 350 mètres carrés, il y avait essentiellement des machines, des films et des dessins. Et puis deux pièces où on pouvait vivre. Et c'est tout. Voilà. Alors, j'ai pas mis, hein, mais je pourrais le mettre d'ailleurs, le Forum des images. Il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement. Je sais que c'est l'un des regrets, notamment d'Isabelle Vanini, notamment Julien Papé, était venu au Forum des images, hein, pour parler. Et là, vous tout avez. D'ailleurs, excuse-moi, je vais te dire même une chose, c'est que Julien Papé a inauguré les rencontres avec les cinéastes, avec Isabelle, parce qu'elles se connaissaient. C'était très important. C'était la première, ouais. Voilà, et c'était la première des rencontres avec un cinéaste carte blanche, c'était Julien Papé en 2000. Et là, vous avez juste deux minutes, malheureusement seulement, mais qui est arrivé sur le Vimeo du Forum des images. Vous avez deux petites minutes où il explique justement les bandes d'Émile Reynaud, donc que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, toi, maintenant, l'idée, c'est de faire des conférences. L'année dernière, déjà à Croc-Anime, mais il n'y a pas que à Croc-Anime, bien sûr, maintenant, donc au PIAF. On change de nom, ça va être. On va devoir s'y faire. Ouais. Hein. Au PIAF, et un peu partout. T'essayes de, enfin, de créer, en fait Oui, enfin, voilà, autour, pas seulement donc, des films de Julien, mais aussi justement de ces films du patrimoine. Je trouve ça intéressant, d'abord parce que je trouve très intéressant. J'aime beaucoup ces personnages, je veux dire, ces pionniers du cinéma qui étaient des gens qui avaient un grand esprit de recherche, qui étaient plein d'imagination, plein de poésie. Ça me plaît beaucoup et donc je les mets en valeur. Alors, pour faire venir les gens samedi 13h30, juste sans trop en dire, mais on verra quoi. Ça sera donc Renaud, Méliès, enfin voilà, on repartira au tout début, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Renaud, et chez Étienne Marais, Méliès, Émile Cole, bien sûr, les deux Étienne. Hein, ouais. Les deux Étienne. Émile Renaud, Émile Cole, puisqu'on est quand même dans un festival d'animation. Et puis les autres, je veux dire, c'est Étienne Marais qui est très important pour le cinéma, et les Louis Lumière aussi, quand même. Et puis Méliès, le dernier, qui va clore un peu voilà, les inventions qui vont permettre après au cinéma de se développer. Sylvie qui est à l'écoute dit Pierre Braquemont. C'est Pierre Braquemont. Ah, merci, voilà, c'est ça. Elle est très à l'écoute. Elle écoute. Au moins, on a une auditrice, au moins ça fait plaisir. Ouais. On sait qu'il y a au moins une personne qui nous écoute, c'est déjà énorme. Donc ça va être important. 13h30, je le répète, un festival, en tout cas pour moi, qui ne se pose pas la question de ses débuts, de son histoire. Pour moi, en tout cas, n'est pas un bon festival. La plupart des grands festivals, à un moment donné, se posent cette question à un moment donné. Le festival qu'a fondé Francis Gavel, le festival de Cannes, par exemple, le fait, puisque même cette année, ils ont montré, je crois que c'était cette année, il y a 2 ans, Touch of Zen de King Wu, hein, l'un des plus grands films de tous les temps. Donc, on se pose des questions, et nous, au PIAF, évidemment, chaque année, on se posera des questions. Là, Tamara Papé, bien sûr. J'ai déjà une idée pour l'année prochaine. Jean-Baptiste, essaye de réserver cette fois-ci une séance pour. Voilà, j'aimerais bien qu'il vienne. Je vous le dirai plus tard, évidemment, je ne vais pas vous dire non plus le programme déjà l'année prochaine. C'est pas Jean-Baptiste Garnier. Jean-Baptiste Garnier. Oui, il a regretté. Je voulais qu'il vienne avec moi, mais je pense que. Mais là, ça tombait mal parce que c'est la journée du patrimoine le samedi aussi. Il y a plein de choses. Journée du patrimoine et on tombe en plein cartoon forum aussi. Enfin voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va y arriver. Il n'y a aucune raison. On va faire une petite pause et on va revenir pour parler à Samuel Yal. On va faire une pause. Alors là, fallait que je la trouve, fallait que je trouve un truc comme ça. C'est un groupe, un monsieur qui s'appelle. Je suis désolé, mon allemand est nul, j'en ai fait pendant 6 mois, mais Shima Head, je sais pas. Et ça s'appelle Puzzle Stuck. Lebenschloss, qui est une espèce de rap un peu soul comme ça, allemand. On écoute. Et. Nicolas, on écoute ce morceau-là et on écoute le petit truc d'une minute 20 qui est juste après. On enchaînera. Merci beaucoup. C'est toujours Bulle de Rêve, à tout de suite. Erst wenn man dankbar für jede Erfahrung ist, merkt man, wie wichtig es ist, Fehler zu machen. Jeder Erfolg und jede Erfahrung wird zu einem Stück von meinem Puzzle. Es ist noch lange nicht komplett, aber jedes Mal, wenn ich etwas lerne, erkenne ich besser, wie es vielleicht aussehen soll, wenn es mal fertig ist. Man muss die Teile erst sortieren, bevor man erkennt, an welche Stelle sie gehören. Denn manchmal weiß ich zwar, dass ein Teil dazugehört, aber bis ich die richtige Stelle oder die richtige Zeit dafür finde, muss ich noch ein paar andere Teile finden. Ich setze mir keine Grenzen für mein Puzzle. Ich gucke einfach, wie weit es geht und wie groß es werden kann. Deshalb freue ich mich über jedes kleine Stück, anstatt mich darüber aufzuregen, dass es nie komplett sein wird. Irgendwas wird immer fehlen. Jeden Fehler, den wir machen, den betrachten sie als ungeschickt, ungeschickt, ungeschickt. Ja. Yeah. Dabei füllen wir nur die Leere mit einem weiteren letzten Puzzlestück, Puzzlestück, Puzzlestück, Puzzlestück. Wir suchen Freiheit doch zum Greifen, da sind nur die Scheine, Scheine. Gezwungen zu begreifen, dass nur sie das Spiel erleichtern, leichtern. Auf der Reise nach der scheinenden Zufriedenheit ist keine Zeit fürs Leben, mein geplantes zieht vorbei. Vorbei. Zu groß ist viel zu klein, klein. Zu viel ist viel zu wenig. Reinzuwaschen ist das Schlechte viel zu klebrig. Die Seele längst erledigt, das Herz sich längst ergeben. Zu viel Gutes wird kein Schätzen lehren. Auf der Suche nach reichlich, bevor mich die Zeit holt. Find zwar die passenden Teile, doch das Puzzle bleibt gleich groß. Jedes Stück fühlt sich wie ein Schritt zurück, weg vom Glück an. Doch ich bleib dran, bin auch einsam. Sie sagen, gib auf noch nicht, das Leben ist ein Spiel. Die Gewinner finden Freiheit, doch die meisten hier verlieren. Denn sie wollen alle gleich sein, nicht mehr alle der eine passiert. Die Hälfte fragil, nur ein Zehntel stabil. passiert. Streben nicht mehr nach dem Höchsten, haben die Böden schon längst akzeptiert. Jeden Fehler, den wir machen, den betrachten sie als ungeschehen. Dabei füllen wir nur die Leere mit einem weiteren letzten Puzzlestück. Check. Keiner, der das sehen kann, was ich vor meinen Augen so spiegel. Das Verlangen nach mehr. Es hält dich gefangen, wenn der Drang nicht wär. Könnte ich frei sein, nur das Ziel kann nicht weit sein. Wir sind lieber steinreich und doch einsam, als in der Scheiße verweilen zu müssen. Weil wir alles allein wollen, statt teilen zu müssen. Weil die Scheine das sein, was die Zeit verkrüppelt. Okay. Also bitte werte mich nicht, wenn ich ehrlich in dein Gesicht sag, dass dein Rat nichts wert für mich ist. Weißt du, wärst gerne wie ich, aber wärst du mein Schuh unterwegs, gelinge dir nicht ein einziger Schritt. Sie sagen, flieg zum Himmel, aber weiter auch nicht, wenn ich klein sehe. Doch an meinem Vibe kenne ich kein Aufgeben, doch verstehe, dass es das Puzzle erst vollständig wird, wenn ich gehe. Also sag, wofür strebe ich? Sag, wofür strebe ich? Also sag, wofür strebe ich? Denn nichts von dem Shit hier bleibt für mich für ewig. Sag, wofür strebe ich? Sie warnen, der zu weit geht, fällt in den Graben. Doch das Brot ist beim Regelverstoß halt am schnellsten im Magen. Jeden Fehler, den wir machen, den betrachten sie als ungeschehen. Un jour, ce que je ferai, c'est que je laisserai traîner un micro, j'enregistrerai tout ce qui se dit pendant les musiques, que je prends le temps de choisir avec amour, et les invités évidemment qui parlent et qui refont le monde pendant ce temps-là, encore plus quand il y a Francis Gavel, mais Tamara Papet fait pas mal aussi, hein, c'est faut pas croire. Donc voilà, vous l'aurez compris, on a passé trop peu de temps avec Tamara Papet, venez samedi 13h30, elle a plein de choses passionnantes évidemment à raconter, et donc on l'aura à montrer, donc voilà, donc on reviendra là-dessus. Ce que vous avez entendu en deuxième partie, la première partie, je vous ai dit, en deuxième partie, c'était un extrait d'un film donc, qui s'appelle Noévus, qui a pas mal marché. Sincèrement, Samuel, t'es venu il y a longtemps maintenant, je te le rappelais. Ouais, c'est vrai. Il y a longtemps. Il y a eu des hauts et des bas dans la création, finalement, cinématographique. C'est un bon moment. C'est beau pour toi que ce film marche. Enfin, c'est quelque chose qui, je sais pas, soulage, fait du bien. Bah en fait c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que j'étais je crois que j'étais assez détaché de ce rapport là aux choses en fait et alors je suis content, enfin j'avais quelques petits désirs un peu enfouis comme ça par rapport à la diffusion du film. Mais qui ont plutôt d'ailleurs à ce jour été comblés. Mais j'étais somme toute assez détaché et je voulais justement maintenir enfin l'énergie quand je faisais le film de la réalisation de la création du film sans me poser enfin en étant le plus libre possible de toutes les questions de voilà à qui ça s'adresse, est-ce qu'il va trouver un public, est-ce que la durée va faire que en festival, etc. parce qu'en fait c'est des questions qui, enfin après c'est à titre personnel, mais enfin qui ont plutôt tendance à m'angoisser ou à me castrer, et donc du coup voilà, j'étais assez libre. Donc je l'ai fait, enfin avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'exigence aussi dans la réalisation des plans, de la post-prod, etc. Enfin, je suis allé au bout du film. J'ai tenté de le suivre parce que parfois on a l'impression qu'on met en place un processus et que on en devient un peu esclave au bout d'un moment. Mais enfin voilà, j'ai subi ce rapport-là en essayant le plus possible d'être libre jusqu'au bout, quoi. Est-ce qu'on peut dire que Noévus aujourd'hui a pu voir le jour aussi, c'est parce qu'il y a une démarche là plutôt en art plastique, en tout cas voilà, dans ton travail de plasticien qui a été pas le plus loin, enfin on peut toujours évidemment avancer, mais en tout cas qui a été assez loin, et tu as pu finalement aujourd'hui le transposer, le transcrire en cinéma. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai une pratique de plasticien, je fais principalement de la sculpture, et j'ai ce rapport à l'animation aussi qui est présent depuis longtemps, donc il y a toujours été un peu il y a toujours une pratique concomitante de l'animation à mon travail de plasticien, soit en tant qu'animateur sur des projets, soit en tant qu'intervenant pour des workshops, etc. Et puis l'animation avait modifié en fait mon rapport à la sculpture, parce que quand j'ai commencé à faire de l'animation, j'ai reconfiguré un peu le rapport que pouvait avoir la forme dans le temps et dans l'espace, enfin si je le résume un peu voilà, succinctement. Et du coup je voulais à un moment donné me donner le temps de mettre en fait la sculpture dans l'animation, en fait. Enfin, il y avait un peu cette idée de circulation, et du coup c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de choses en animation, parce que déjà ça prend du temps, puis que quand on fait plein de choses, bah forcément on est un peu moins efficace sur les deux domaines, mais il y avait vraiment cette volonté sur le projet d'en faire, enfin, c'est pour ça que je le disais au départ quand je présentais le projet, pour moi c'est une forme de sculpture qui se serait métamorphosée en un film, enfin quelque chose de cet ordre-là, quoi. Donc il y avait la volonté de ma part de rester dans une économie, enfin en tout cas de faire de l'économie assez restreinte un parti pris pour me rapprocher de ma pratique artistique, donc de faire ça à l'atelier avec les moyens qui étaient les miens en termes de production de forme, enfin tout simplement, c'est-à-dire la matière c'était ma porcelaine, les moulages c'était les mêmes techniques que j'utilise pour ceux de la sculpture, tous les objets sont passés par le four, etc. Enfin voilà, rester vraiment au plus proche de la technique et que ça aboutisse à un film qui soit le fruit de la sculpture et qu'en même temps il puisse modifier aussi le rapport que je pouvais avoir avec la sculpture, parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses sur le tournage, quoi. Si je parle de démarche, et que si on se reporte à 2009 déjà, L'Oiseau, ton précédent film, il y avait une volonté de narration très explicative. Et là, je trouve que dans Noévus, tu trouves justement comment raconter les choses de manière très, très simple et à la fois peut-être, je ne sais pas, plus forte. Peut-être pour moi, mais en tout cas, qui a d'un seul coup une vraie force dans ce travail, avec l'espace dans ce travail. Cette narration ne passe plus par une narration du personnage par rapport à sa création, mais là, quelque chose de presque plus. Travaillant plus sur notre inconscient aussi, finalement. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, notamment parce que le problème, c'est comment faire un film en volume qui parle quand même du corps, donc avec une figure, mais que cette figure-là ne devienne pas un personnage. Et en fait, c'est une question qui m'a vraiment obsédé. C'est-à-dire que je voulais à aucun moment que créer une attente qui soit celle qu'on a quand on est face à un personnage, et voilà. Et donc ça a été une vraie question tout le long du process, parce que en fait en fonction des cadrages, en fonction, enfin il y a des choses qui sont assez ça peut être facile et ça peut être rapide en fait de créer cette attente là, donc je voulais surtout pas la créer. En même temps, je suis pas non plus dans un film qui est complètement abstrait ou purement formelles avec, enfin voilà, qui sont souvent des films que j'admire beaucoup aussi, mais enfin là c'était pas forcément le propos. Mais en tout cas, il y a un aspect formel, mais qui passe par le corps sans que effectivement on soit en attente d'une narration. Et ça, c'est vrai que c'est aussi le fait de m'être libéré de la question de l'animation, de la question du court-métrage, de la question du festival, de la question de toutes ces questions-là, qui a fait finalement que je me suis recentré sur finalement ce qui m'intéresse dans l'animation. Depuis que je suis enfant, c'est-à-dire la métamorphose de la forme, le rapport à la matière, cette espèce de mouvement de matière qui devrait pas en avoir, les perturbations que ça crée, et donc tout ce que ça raconte de l'inconscient, sans forcément non plus qu'il y ait une volonté de ma part d'avoir une intention et d'exprimer des choses qui seraient glissées sur le papier. Enfin, c'était marrant parce que finalement, moi, je me suis posé la question comment faire une marionnette en porcelaine le plus simplement possible, donc j'ai simplifié le problème pour des questions économiques, de temps, etc. Et finalement en me posant vraiment des questions très très concrètes, très très basiques, je suis retombé sur mon propos, sur le cœur de mon propos sculptural, sur la question de la fragmentation, du maintien de la forme dans l'espace, et finalement la manière dont la marionnette elle a été fabriquée, ça m'a donné des possibilités d'animation que j'avais pas prévues au départ. Donc il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues au départ qui sont arrivées en faisant une sorte de cure d'amaigrissement, j'ai envie de dire, du processus de production du film, quoi. Et donc ça m'a ému d'une certaine façon, parce qu'en fait on devient l'acteur de quelque chose qu'on met en place, mais vis-à-vis duquel on a une forme de dessaisissement. Je trouve c'est intéressant. Est-ce que le rapport avec le corps de la danse, puisque tu as travaillé avec une danseuse, là aussi est important, parce qu'on a un certain aussi minimalisme d'un seul coup, cette personne qui utilise juste entre guillemets évidemment son corps. Mm-hmm. Ça a été important, ce ouais, rapport-là. Oui, alors c'est encore une fois, c'était pas prévu dès le départ. Mais à un moment donné, il s'est trouvé que c'est toujours la même chose. On pense qu'on va réussir à faire tant de plans par semaine, etc. Enfin bref, ça devenait assez compliqué. Et du coup, je pouvais pas tester tout ce que je voulais tester, quoi. Donc il fallait que je. Enfin, à un moment donné, d'ailleurs, c'était avec une stagiaire qui avait bossé à mes côtés à l'atelier. En discutant, elle me dit bah ouais, mais moi j'ai une copine danseuse et ça se trouve tu pourrais lui demander de faire des mouvements et voir si ça marche. Parce que effectivement les faire l'animation c'était très compliqué, donc en fait ça s'est fait assez vite et c'était intéressant, si ce n'est que la danseuse, je lui ai fait faire des mouvements un peu violents, un peu brusques, parce que c'est le propos aussi du film, et que voilà, ça a été une séance assez raccourcie, on va dire. Bon, elle va bien, elle était très contente, et on a aussi des projets aussi ensemble, parce qu'il y a une version un peu plus longue du film qui a été projetée l'année dernière, en janvier dernier, au cours de laquelle en fait la danseuse intervient à l'avant de la scène, et il y a peut-être le projet que ça soit reproduit en fait, donc une version un dialogue entre certains passages du film et puis des improvisations de danse. On note ça, voilà. Pour le pief de l'année prochaine. Je note ça déjà. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que on se connaît. J'adore m'entendre parler. Non, j'aime bien parce que comme moi d'ailleurs. Je sais que Samuel a plein de choses à dire, et juste avant il me dit mais je vais pas dire. Tous les invités font sans. Je sais pas ce que je vais dire. Et évidemment c'est souvent passionnant. Non mais c'est intéressant parce que je sais que je t'ai connu. Il y a eu un projet qui n'a pas fonctionné, le CNC. Et il y a eu un moment donné qui a été dur. En disant bon, ouais. J'arrête tout ça. Et c'est là où je trouve que Noé Vu, c'est une. Le mot revanche, évidemment, n'est pas un beau mot, c'est le seul qui me vient là. Mais il y a quelque chose que je trouve fort finalement dans le film, parce que tu réussis à aboutir un film, comme tu dis, en finalement détachant de tout ce qui était tellement dur, en disant bah, faut que j'ai de l'argent, faut que j'ai là, tu vas passer par Ulule pour récupérer de l'argent. Alors, j'ai une aide régionale quand même. T'as une aide régionale, voilà. C'était assez modeste, hein, mais je tiens à le dire pour remercier la région Midi-Pyrénées de leur confiance. Non, mais c'est important. D'un seul coup, j'ai l'impression. Il vient pas au hasard, ce film. Mais effectivement c'est important. Alors c'est important, mais en fait ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, quand je prends du recul, c'est qu'en fait ça fait un peu comme un jeu de poupée russe, c'est-à-dire qu'effectivement le projet tel qu'il a abouti, en fait, c'est un peu le fruit d'un gros échec, d'un premier projet qui était très écrit et qui a été très compliqué. Bon, bref, avec en termes de production, donc voilà. Donc, il y a eu vraiment un échec suite auquel, en fait, je me suis effectivement un peu, on va dire, pas détourné, mais recentré sur des projets d'expo, etc. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette aide régionale que le producteur final de Neus a eu sans forcément que je sois au courant de la demande et donc en fait je me suis dit bon, j'ai un peu d'argent, j'en ai jamais eu autant pour faire un projet, un film, donc il faut quand même que j'en fasse quelque chose, mais en même temps je peux pas du tout imaginer avec ce budget là faire le film que j'avais, enfin la mouture du film, c'était beaucoup trop ambitieux, donc il fallait reconfigurer la chose. Et en fait moi ce qui m'intéresse là dedans dans cette histoire-là, c'est qu'effectivement, il y a eu une sorte de chute, de destruction du projet, et finalement le film il est le fruit de cette espèce de restructuration, et le film raconte un peu ça, même si il y avait des choses qui étaient déjà en process au préalable sur ces questions-là, mais effectivement il y a dans le film il y a vraiment cette espèce de jeu entre la naissance d'une forme, sa fragmentation, ce qui renaît de cette forme, enrichit ce qui peut, enfin voilà, il y a un jeu comme ça, et pour boucler la boucle, si je puis dire, ça avait beaucoup de sens aussi pour moi que le film soit en sélection à Hiroshima, parce que je me suis intéressé il y a une dizaine d'années au Buto, donc un mouvement de théâtre contemporain qui mêle la danse, avec une prégnance aussi sur les arts plastiques, etc., dans les décors, les costumes, la blancheur de la peau dont les danseurs sont recouverts. Et en fait, dans les conceptions orientales, il y a vraiment ce rapport entre, la chute qui est pas une fin, mais qui est la possibilité d'une renaissance, quoi. Donc en allant à Hiroshima, c'était assez émouvant parce que Hiroshima c'est le lieu de l'événement qui a aussi été une sorte de tabula rasa, et qui a fait que à la suite de ça les artistes sont repositionnés et ils ont reconfiguré aussi un rapport à la culture différent, et donc le Buto est complètement né de ça en fait. Donc enfin c'est un peu ce que j'ai bredouillé au micro là quand j'étais sur la scène là. C'est qu'il y avait un peu une saveur de retour aux sources pour moi d'aller à Hiroshima, encore plus d'y recevoir un prix, et pour cette raison-là, parce que justement le Buto, il y avait pas non plus une volonté de ma part de faire une illustration ou de citer de manière très directe le Buto, mais à la fin du tournage, j'ai rencontré une amie plasticienne qui avait fait beaucoup de danse, et en lisant le mémoire qu'elle avait écrit sur son expérience de la mémoire du corps dans la danse, il y avait vraiment des échos très très forts. C'est pour ça que j'ai intégré un de ces textes qu'elle avait écrit à la suite d'une improvisation de Danse Buto dans le petit catalogue qu'on a édité autour du film. Donc voilà, tout ça, enfin c'est plutôt cette espèce de contemplation en spectateur d'une histoire qui s'écrit avec ses cohérences et qui finalement m'intéresse et me donne satisfaction. Voilà, j'ai pas été très bref. Mais j'ai retrouvé c'est étonnant, j'ai retrouvé une petite news que j'avais fait sur mon site pour annoncer justement le besoin d'argent, donc le Ulule que t'as fait, et j'avais en disant normalement je fais pas ce genre de choses, et je pense que Samuel est peut-être l'un des seuls, il y en a très peu, qui peuvent finalement, plutôt que de faire opposer l'art contemporain, le côté plastique, de faire opposer les arts comme ça et l'animation, comme certains de tes camarades, en tout, peut-être pas le camarade, mais qui travaillent aussi, qui sont plasticiens, qui refusent d'imaginer, même qui font de l'animation, même s'ils en font un peu, qui refusent de se voir là-dedans. Toi, j'ai l'impression justement qu'il y a un vrai dialogue entre tout ça. Et je trouve que c'est un film à part d'ailleurs, Noévius, parce qu'il y a vraiment ce dialogue-là. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit le cas, et de pousser aussi la chose en faisant l'exposition qui a suivi la réalisation du film, qui était un peu une sorte de redescente à la sculpture, en réutilisant à la fois des éléments qui avaient servi au film, mais aussi des process de tout le travail qui avait été fait autour des émaux, etc. En concevant un parcours qui soit sculptural et qui soit soit celui d'une exposition. Alors effectivement, c'est un rapport qui est un peu en, il y a un deux volets quoi. Il y a d'un côté le film, d'un côté l'exposition. Il y aurait des possibilités de décloisonner l'animation sous forme d'installation, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est que, et j'en parlais d'ailleurs, j'en parlais à Hiroshima, je sais plus avec qui, peut-être avec Boris Labbé, avec qui on partage pas mal de questions là-dessus. Mais c'est vrai que la salle de cinéma, le fait de, ah oui, avec Jérôme Boulbès aussi, on en parlait, le fait de s'installer en tant que spectateur dans une salle, en fait tout ça crée des espèces d'attentes inconscientes qui auxquelles parfois les réalisateurs se sentent obligés de répondre. Et donc c'est vrai que parfois un film qui va être projeté dans un lieu d'exposition, on va déambuler, on va pas avoir le même rapport à la temporalité du film. Déjà il y a pas de début, il y a pas de fin, enfin voilà. Donc c'est des questions qui sont ouvertes. Moi, j'ai essayé effectivement de me contenir quand même à la forme d'un court métrage, d'assumer ce rapport-là, parce que c'est aussi, c'est aussi le court métrage qui a fait que je me suis intéressé à l'animation. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire dans le court métrage, mais tout en étant le plus ouvert possible par rapport à effectivement à ces questions qui restent des questions sculpturales que le film explore. Quoi. C'est important l'idée de l'espace. Tes sculptures peuvent se retrouver. Il y en a une, je crois que c'était en Hollande, hein, à l'extérieur, une grande sculpture où on déambule, en suspension, en effet. Ouais. Tu vas avoir, il y en a une où on te voit d'ailleurs casser un mur. Enfin, il y a tout un jeu là-dessus. Comment on travaille cet espace, comme tu le dis, qui est pas comme on veut, mais en tout cas où le spectateur va plus déambuler et qu'on travaille finalement sur un écran, comme tu viens de le dire, où on se dit, bon, ben, là, j'ai un cadrage, il est tel quel et je vais pas pouvoir le changer. On travaille sur un storyboard, on travaille même de manière très pratique. Alors, sur le storyboard, j'ai fait des petits croquis, des petits, bon voilà, des choses assez assez sommaires, mais plus comme des notes personnelles pour voilà, comme on ferait une liste de courses pour pas oublier un truc, mais il y avait pas de storyboard à proprement parler. C'est-à-dire que j'ai avancé pratiquement, je crois que le film, ce qui est pas conseillé d'ailleurs, hein, mais enfin j'ai fait le film, j'ai commencé par le premier plan et j'ai terminé par le dernier, quoi. Enfin, grosso modo. Enfin, c'est pas conseillé parce que souvent, comme on démarre l'animation, les premiers plans, elle est pas forcément la meilleure, donc on conseille. Pourquoi non, parce que j'avais entendu dire ça. J'avais entendu dire qu'il valait mieux commencer par un plan qui allait être à la fin, parce que quand on commençait le projet, on était un peu froid en termes de technique d'animation, et du coup, il fallait attendre de chauffer pour envoyer un plan dès le départ qui soit garant de la sélection dans les festivals. Écoute, bon. Tu vois, par exemple, mon père, c'était tout le contraire. Il disait que lui, il faisait toujours tout dans la continuité. C'était ce qui lui permettait, je veux dire, de garder son unité, tu vois. C'est comme ça plus que je le conçois. Mais bon, voilà, je suis pas parfois rattaché plus aux anciens qu'à l'avant-garde à ce niveau-là. Non, mais elle est intéressante, elle est importante, cette idée de l'espace, puisque je trouve que justement là où, pour revenir à l'oiseau, où tu as vraiment là des mouvements, enfin des plans, on va dire, qui vont être très, très nets, très, très précis, il y a quelque chose d'assez carré, on va dire, dans la mise en scène. Là, il y a une vraie liberté, en tout cas moi, que j'ai trouvé dans la caméra. Je me posais pas la question du mouvement. Je pense qu'il y avait une vraie fluidité que t'avais trouvé. Alors bon, déjà, enfin, par rapport à l'oiseau, c'est vrai l'oiseau, moi j'avais commencé, c'était un peu un projet un peu récréatif, parce que j'étais dans une période où dans mon travail plastique j'étais vraiment dans un minimalisme, quelque chose de très procédurier, donc j'avais envie de faire un film d'été, de m'amuser un peu. Puis bon, du coup, ça a pris un peu de l'ampleur, j'ai trouvé un producteur pour m'aider à le terminer, mais c'est vrai que c'est parti comme quelque chose de très spontané. Et j'avoue, quand j'ai commencé à faire l'oiseau, j'avais jamais utilisé un appareil photo réflexe. Donc le premier jour, j'ai testé les trucs. J'ai vu, ah bah oui, quand on ouvre, c'est plus flou au fond. Quand on ferme, enfin voilà. Donc j'étais vraiment très néophyte. J'avais aucun matériel. J'avais pas de retour pour l'animation. Donc c'est fait vraiment à l'ancienne. Donc il y a effectivement plein d'aspects de la réalisation que j'ai découvert sur ce projet, mais que j'ai pas pu pousser. Et la déception que j'avais à la fin, enfin il y en avait plusieurs, mais un des points notamment, c'est que je trouvais que l'image était beaucoup trop propre. et que ce qui m'avait touché aussi sur les films que j'aime bien, les films les films tchèques ou les films des frères Coué ou ce genre de choses, c'est qu'il y a quand même une matérialité de l'image elle-même qu'on ressent encore plus quand c'est projeté en 35, mais en tout cas ça m'intéressait. Et du coup, j'ai tenté le plus possible déjà de mettre un peu de distance entre le sujet et le refroidissement qu'opère le numérique, parce que le numérique, il a ce défaut d'être parfois un peu trop haut de def, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, alors je me suis fait conseiller, j'ai beaucoup été épaulé par Olivier Gillon, ouais. Qui est un chef opérateur, mais qui est bien plus que ça, qui a été un peu un maître Yoda sur le projet, qui est jamais venu sur le tournage, mais bon, on se voyait dans un café souvent et donc on parlait comme ça de plein de choses, mais notamment de ces questions d'image. Et donc j'ai pas mal travaillé justement à salir un peu mon image, et puis après j'ai poussé un peu le vice à animer même la surface. Donc il y a aucun effet qui était de la post-prod en fait là-dessus, ça a tout été fait au tournage. Donc ça c'est pour la question de la photographie qui m'a pris beaucoup de temps, parce que effectivement j'étais tout seul pour faire la photographie, l'animation, etc. Donc c'est parfois on commence la journée, on met en place le cadrage, la photo, et on est déjà il est déjà 15h, 14h, on est déjà un peu fatigué pour l'animation, enfin bon. Et après sur la question de l'espace et du cadrage, en fait j'avais quand même beaucoup de contraintes, parce que mon atelier il fait 12 mètres carrés. Il y avait pas mal de trucs, il fallait gérer aussi la production des éléments, etc. Donc il y avait pas mal de places qui étaient aussi occupées. Donc j'ai effectivement fait des choix de restrictions en termes d'espace pour simplifier les choses. Donc j'ai imaginé ça comme une sorte de petite pièce de théâtre, quoi. Enfin voilà, comme si on était sur une scène, notamment pour répondre à cette question de pas créer une attente d'histoire. Donc voilà, c'est, et après le cadrage, bon, il y a des choses qui sont assez spontanées, qui s'imposent un peu d'elles-mêmes en fonction du mouvement qu'on veut obtenir. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué de répondre à la question avec la distance du tournage, quoi. Mais on a beaucoup parlé de technique, on parle beaucoup de ça, mais il y a un rapport très fort. Alors, à l'organique, ça paraît évident, la porcelaine, il y a de la rouille, oui. À un moment donné, il y a vraiment tout un côté. Et il y a des choses, je sais pas si les gens viennent te voir des fois à la sortie du film en disant. En ne sachant pas forcément parler du film, mais en le ressentant, je sais que moi quand j'ai vu le film la première fois, j'ai ressenti très fort au niveau du corps. J'aurais pas su l'expliquer comment, j'aurais pas su forcément te dire, mais je sais que j'avais quelque chose de très fort sur la complexité d'être dans son corps, en tout cas. Alors évidemment, il y a la fragmentation, tu l'as dit, du film, mais je trouve quelque chose de très très fort là-dessus. Est-ce que tu as des fois des gens qui viennent te voir ou Non, enfin, je voudrais pas faire, enfin, ça me revient pas le souvenir comme ça. Il y a des gens qui effectivement m'expriment que ça les a touchés, etc. Après, c'est bon, moi en tant que spectateur, c'est jamais forcément évident d'aller voir un réalisateur, de lui dire les choses. Donc non. En revanche, merci pour cette remarque, et d'autant plus que effectivement, j'avais à l'esprit l'idée que de pouvoir donner enfin que ça soit un cinéma de sensation, et même parfois que ça soit presque parfois un peu agressif, hein, qu'il y ait des choses comme ça, parce que dans le cinéma c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a ce rapport au corps qui peut être travaillé. Donc enfin, je voulais qu'il y ait des changements de couleurs, des irruptions, enfin j'ai travaillé sur ces questions là, quoi. Et parfois c'était plutôt ce rapport là qui conduisait l'enchaînement du film que des questions de cohérence d'histoire ou de continuité. Enfin voilà, c'est vraiment effectivement des questions de sensation que je me suis posé. Donc la question du un peu du monochrome, de lire comment on passe du blanc à la couleur, comment on passe d'une lumière un peu plus tamisée à quelque chose de plus flou, à quelque chose de voilà. Enfin c'est vraiment des questions qui m'ont habité. Ouais. Vous l'aurez compris, il faut absolument voir le film sur grand écran. C'est mieux. Ouais. Comme toujours, hein, avec le cinéma, c'est largement mieux. Mais là encore. Peut-être plus, parce que évidemment sur un petit écran là vous perdez beaucoup de choses évidemment. Noé Vus qui sera donc présenté au PIAF. On va faire une petite pause. Je vais changer parce qu'évidemment on a dépassé. Donc Nicolas, comme d'habitude, on va prendre la dernière chanson, le dernier morceau en fait, qui est Humbert Humbert, qui fait 3 minutes, et on reviendra sur celle d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y en a une qui doit faire 3 minutes, Humbert Humbert, qui est normalement, enfin qui est un groupe japonais, je voulais mettre à la fin pour pas dire Hiroshima, je le mettrai maintenant, et il y a une petite chanson qui fait 1 minute, vous découvrez ça. On revient à tout de suite. Bon, merci Alexis, en tout cas. Bien évidemment, vous avez entendu Samuel Yale, décidément, mais c'est bien les émissions d'entrée comme ça, où on se dit, ah, il nous faudra encore 2 heures de plus, mais je crois que l'émission d'après a bien lieu. Elle a bien lieu. Et l'émission d'après, si vous dépassez de 5 secondes, là, c'est juste une catastrophe. T'es viré. Vous venez d'entendre. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Francis ? Je sais pas. Si, non. Un groupe japonais. Le groupe avant, c'est Humbert Humbert, ça on l'a vu, mais juste après. Non, je fais exprès. Ouais, je sais bien, donc, pour m'embêter. Juste après, ce qu'on vient d'entendre, c'est une chanteuse absolument formidable, qui était venue dans longtemps, je me suis couché de bonne heure, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus précisément, qui s'appelle Mathilde Forget. que donc j'avais découvert par l'intermédiaire d'une chargée de promo qui s'occupait de son EP, et j'avais plutôt craqué. Donc j'avais été la voir en concert aux Trois Baudets, je l'avais ensuite reçue ici, et en allant la voir au concert aux Trois Baudets, j'avais réussi à lui parler à la fin, parce qu'une copine comédienne m'avait présenté à elle, et j'ai commencé à lui parler que j'étais sur un projet de court-métrage d'animation, que c'était la première fois, tout ça. Elle me dit, ah bah c'est marrant, parce que moi aussi, enfin, je travaille avec un réalisateur là qui fait de l'animation, tout ça. Voilà, et puis je vais pas plus loin parce que je veux pas trop en dire tant que j'étais pas sûr de moi. Et en fait, au bout du compte, pendant très longtemps, donc sur Cours de récré, le film qui sera présenté au PIAF, avec Claire Guimberti, donc la co-réalisatrice, avec Fabrice Prencléache, le producteur, et ben. Pendant très longtemps, on a travaillé avec de caler sur le film, comme ça, quelques 30 secondes d'une chanson à elle qui était sur cette EP. Et on avait pris la fin, c'était juste piano-voix, et je trouvais que ça marchait formidablement. Ça m'avait permis de supprimer, à la demande de mon producteur, qui n'y connaît rien dans le cinéma, je plaisante, de supprimer toute une partie de voix off, et d'avoir comme ça, comme... j'ai envie de dire pompeusement, comme si on était dans une opéra, finalement une aria qui vient donner les sentiments des personnages, plutôt que ce long récitatif qui était porté par la voix off. Et donc voilà, et on travaille là-dessus, et on est finalement, tout le monde finit par être très content de ça. Et puis on fait un premier montage son avec Yann Volsi, qui retravaille un petit peu et tout. Et puis j'envoie ce montage son entre autres à Mathilde Forget, quoi, et qui m'envoie un mail en disant, mais c'est pas possible, ça marche pas, je veux pas que la chanson soit... Et là, grosse catastrophe, parce que au point de départ, Claire et Fabrice n'étaient pas complètement convaincus par la chanson et avaient fini par l'accepter, trouvant que finalement, si j'avais bien fait d'être un peu chiant et tout. Et donc là, on passe un dimanche par mail, enfin un samedi, je sais plus. Et là, je finis par dire à Mathilde Forget, écoute, c'est pas possible, il faut absolument que pour nous ça fonctionne parfaitement. Enfin, et là, elle finit par me dire, ben écoute, de toute façon, il y a peut-être un autre souci, c'est que je vais peut-être avoir un éditeur pour mes titres, donc il risque d'y avoir des problèmes de droit, tout ça. Je sais pas trop comment ça se négociera. Je te propose d'écrire un morceau original, puisque t'as l'air d'y tenir tellement, comme ça il n'y aura pas de problème de droit, et puis là c'est vraiment par rapport à l'esprit entre ce que tu m'as expliqué que vous aimiez dans ma chanson et ce que je connais du film. Et voilà, et donc bah voilà, c'est cette chanson qui est apparue. Finalement, moi j'ai envie de dire, maintenant je dis ça en plaisantant, puisque c'est un film qui joue avec les critères du film jeune public dans l'animation. C'est un peu comme le moment où dans un Disney il y a une chanson et il y a un clip. Et donc le temps passe, comme ça permet de travailler sur l'évolution des personnages et de la relation entre eux, par exemple. Et ben là, nous, on a une chanson plutôt mélancolique qui arrive comme ça, comme si c'était une chanson dans un film de Disney. Je le voyais plus comme dans un film de Hong Kong. Il y a toujours une chanson en plein milieu et on se demande ce que c'est, une espèce de clip comme ça où il y a des... Bon, après, chacun ses références. Non, mais c'est parce que là, comme maintenant, je m'amuse à dire que on a joué avec les codes du cinéma jeune public. Bah voilà. Francis, on t'a entendu un nombre de fois incroyable à ce micro. Et évidemment, je crois que j'ai jamais pu poser, parce que tu n'es jamais venu en tant qu'invité. Est-ce que tu te rappelles de la rencontre avec le cinéma? Pas le cinéma d'animation, ta rencontre avec le cinéma. Est-ce que tu te rappelles des premiers films qui te font dire, ben, un jour je vais écrire dessus, peut-être que j'en écrirai, enfin, etc. Est-ce que je m'en rappelle? Moi, je me rappelle d'une chose. Alors peut-être que du coup, ça serait une manière détournée de répondre à ta question, dehors du fait de se rappeler du premier Disney qu'on a vu. C'est que moi, un des jeux que j'avais quand j'étais gamin, en fait, c'était de prendre mon livre d'histoire et le programme télé. Chez mes parents, on lisait Télépoche et non pas Télérama, comme chez tous les intellectuels, ce que je suis devenu maintenant, mais je ne lis pas Télérama. Enfin, si, bon, on s'en fout. Et en fait, c'était donc... J'avais mon livre d'histoire, j'avais le programme télé, et donc un de mes jeux préférés, en fait, c'était d'écrire des mini-scénarios, enfin, ou on dirait des scénarios aujourd'hui, sur un fait historique, et de faire mon casting avec les films que j'avais vus, les dramatiques télé de Stelio Lorenzi à l'époque, des choses comme ça, et de dire, bah voilà, je vais prendre, je sais pas, Michel Auclair pour tel rôle, des choses comme ça. Et par exemple, je me rappelle que j'ai écrit, et je n'ai jamais gardé, ça je m'en veux, sur des copies doubles grand format, donc peut-être deux copies doubles grand format, un scénario sur les guerres puniques, la première et la deuxième. Voilà. Et donc c'est peut-être ça le premier, finalement la première entrée dans le cinéma, quoi. C'est plus ça. Et la deuxième anecdote, ce serait de se dire que quand j'étais gamin, donc je voyais plein de films évidemment avec mes parents à la télé le dimanche et tout ça. Et moi j'étais persuadé que quand un personnage mourait, eh ben effectivement l'acteur mourait. Et j'avais un gros problème en fait avec Robert Shaw dans le film sur Custer, puisque évidemment à la fin, Custer est tué par les Indiens. Et je me disais, parce que je venais de le voir dans un autre film, mais comment est-ce possible? Et en fait, je me suis dit, ah mais non, c'est parce que l'autre film, il l'a fait avant. Voilà, tu veux, ça c'est des choses que je ne raconte jamais pratiquement. Mais c'est peut-être mes premières rencontres avec le cinéma. Donc, quoi. C'est ça, c'est le plaisir finalement d'écrire aussi dessus. Puisque tu dis écrire des scénarios, écrire avant même d'être critique, avant même de... Il y a ce plaisir d'écrire des histoires. Ouais, il y a peut-être ce plaisir. Alors, en tout cas, quand j'étais gamin, c'est un truc important, quoi. Tu vois, tous les exemples que j'ai, à la limite, ça va être d'écrire des histoires ou de reconstituer quelque chose. Moi, je jouais beaucoup. Alors, je devrais pas dire ça à Radio Libertaire, mais quand j'étais gamin, mon autre jeu préféré, c'était les petits soldats. Et donc, voilà, Radio Libertaire, ça ne le fait pas. On était beaucoup, hein, malheureusement. Oui, mais donc, il y avait, mais j'ai gardé mes petits soldats. Des jouets d'enfance, c'est pratiquement une des rares choses que j'ai gardées. Ça, c'est mal. Tu vois, voilà, Samuel, heureusement que tu es là. Mais d'un côté, évidemment, quand je vois Waterloo de Sergueï Bondarchouk, après moi je refais Waterloo avec mes soldats napoléoniens, et quand mes parents m'emmènent, à l'époque c'était un cinéma qui existait, au Kino Panorama, découvrir sur cet écran immense, dans toutes ses langues, en noir et blanc, et pendant presque 3 heures, Le jour le plus long de Zanuck, moi qu'est-ce que je fais? Le film passe à la télé quelques temps avant qu'il repasse tous les ans maintenant de manière systématique, il passe à la télé, j'avais un vieux magnéto mono à l'époque, avec un micro extérieur, des cassettes, donc je mets une cassette et je dis à mes parents, on regarde le film, on se tait et j'enregistre toute la bande-son du film, et après du coup je fais le débarquement en Normandie avec la bande-son. Voilà, c'est les premiers pas. Donc la passion, elle est là? Ouais, a priori. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup tu te lances pas complètement dans le... Bah parce dans le cinéma, faut manger. Parce qu'il faut un vrai métier dans la vie, monsieur. Métier, voilà, ouais. Il faut être sérieux quand même. Mince. Non, je sais pas. Peut-être parce que ça me semble loin par rapport à mon environnement, quoi. Moi, mes parents étaient pas dans le ciné. Même s'ils m'ont toujours permis de découvrir plein de choses et étaient très présents, quoi. À la maison, voilà, j'ai pu aller au cinéma énormément. On allait beaucoup au cinéma. Je lisais de la BD. De la littérature, j'étais un peu plus réticent parce que c'était peut-être un truc d'ado, quoi, ou déjà de gamin et puis d'ado, de pas trop avoir envie de lire, c'est venu bien plus tard, ça, puisque j'ai fini par être libraire à un moment, quoi. Mais c'est plus que ça semblait quelque chose d'inaccessible. Et donc, bah, après, il y a des choses plus accessibles. Et peut-être que là, ça va encore faire rire tout le monde à l'antenne de Radio Libertaire. Finalement, mon premier déclic, je fais quand même mon service militaire. Moi, monsieur. Et en fait, je me retrouve à l'état-major de la première région militaire à Saint-Germain-en-Laye, où il y a une cellule audiovisuelle. Et dans cette cellule audiovisuelle, je fraternise avec la population de réalisateurs qui sont là, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, on venait d'enregistrer une chanson en studio dont j'avais écrit la musique. Et on commence à tourner le clip de la chanson. Voilà, parce qu'on avait tout le matériel à dispo. Donc le midi, pendant la pause, ben, un réalisateur a commencé à faire le storyboard. Et puis on avait des caméras, enfin on avait tout un plateau, quoi. Parce qu'en fait, à la première région militaire, ils filment pour l'armée le défilé du 14 juillet. Donc autant dire qu'ils ont du matos, quoi. Et donc voilà, peut-être que le premier pas, en fait, il vient de l'armée. Et entre parenthèses, on vient d'apprendre donc que t'es compositeur aussi. Oui, enfin je fus compositeur. C'est pour ça que la musique, c'est toujours important pour moi, que effectivement dans l'émission développer la partie musicale, ben ça compte. Et c'est pour ça que tout à l'heure on fera une première heure de prog musicale, quoi. Et que j'ai composé. Oui, j'ai pas mal de chansons à la maison. Après j'ai un peu arrêté malheureusement. Aujourd'hui, si je devais m'y remettre, il faudrait que je retravaille, parce que retrouver les accords, comment on peut passer d'une harmonie à une autre, enfin d'un ton à un autre, sans que ça se sente. Voilà, et puis j'écrivais après texte et musique. C'est toi qui les chantais ? Et comme j'avais pris des cours de chant, ouais. Alors j'avais un groupe de rock à l'époque du lycée, et puis après, ben, moi j'avais pris des cours de chant, et effectivement je les chantais, et après j'ai arrêté les cours de chant parce que une espèce d'abruti de voisin un jour est venu frapper à ma porte, parce que comme j'avais pris des cours de chant, ben, du coup je chantais bien, en disant moi j'aime beaucoup la musique, mais ça fait trop de bruit. Et ça m'a bloqué complètement, quoi. Il faudrait que tu nous donnes le nom de ce voisin. C'est... Mais il a déménagé. Dommage. Donc voilà, c'est pour ça qu'après je confie la musique à des gens de talent. Pour la première fois que je fais un film, voilà, à deux compositrices, donc Mathilde Forget pour cette chanson, et puis Sabrina Duval pour tout ce qui est l'électroacoustique et le quatuor à cordes du film. Ce qui est étonnant, parce qu'on on connaît Francis Gavel, donc défenseur du cinéma, hein, dans toutes ces toutes ces formes, mais en fait on découvre que t'écrivais déjà quand t'étais tout petit, compositeur, que Cours de récré, c'est une adaptation d'un de tes livres. Ouais, alors d'une courte nouvelle qui avait été publiée chez un petit éditeur qui s'appelait et s'appelle toujours Très étrange. Et qui était illustré en plus. Ça, c'était quand? C'était. C'est vieux, ça doit être fin des années 90, quoi. En fait, il y a deux trucs à ce moment-là importants. Il y a cours de récréation, parce que quand c'est au cinéma, on a tendance à réduire les choses. Donc, au ciné, ça s'appelle cours de récré. Et en littérature, ça s'appelle cours de récréation. Et donc, il y a cours de récréation qui est publié. Et en même temps, il y a Kirikou qui sort. Ça fait un effet bœuf. C'est les deux grands moments, deux moments importants. Qu'est-ce qui se passe entre la sortie de cours de récréation? Il y a quoi? Il y a Cannes qui se met en place. C'est quoi les connexions de Francis Gavel, en fait? Parce qu'on a l'impression que tu es tout le temps présent, tout en ayant autre chose à côté. Comme tu dis, tu travailles parce qu'il faut gagner de l'argent, etc. Mais il y a toujours l'envie de traîner, j'emploie le terme, de manière exprès, dans tout ce qui est le monde de l'art, de la culture, elle est tout le temps présent. Alors, merci de me recevoir, Henri Chapier, sur votre divan. Je vais Francis, donc continuer. Pas à ça, en effet. Je vais donc continuer. En fait, j'ai pris des cours de piano. Pour composer, à une époque, j'ai pris des cours de piano, tout simplement parce que mes parents étaient commerçants, et une vieille dame venait chez nous, elle était prof de piano. Un jour, elle m'entendait jouer sur mon orgue que mes parents m'avaient offert pour un Noël, et maltraiter l'orgue. Et elle dit à ma mère, mais je pourrais lui donner des cours de piano, si vous voulez. Ma mère dit, oui, c'est gentil, mais bon, on peut pas forcer. Mais je le ferai gratuitement, ce serait la dernière bonne action de ma vie. C'est déjà une dame âgée. Et en fait, j'ai pas été un super pianiste, loin de là. Massacré le peu de Bach et le peu de Mozart qu'elle m'avait fait, j'avais un peu massacré. Mais un jour, et donc elle me parlait beaucoup, finalement. Je passais presque 2 heures chez elle, quoi, à chaque fois. En fait, un jour, elle me dit cette chose-là. Elle me dit, mais Francis, tu seras peut-être pas un artiste, mais tu seras sans doute, je le sens comme ça, entouré d'artistes. Et peut-être que cette chose m'est restée, et qu'en fait, tout ce qui s'est construit derrière, que ce soit la musique dans un premier temps, que ce soit ensuite traîné, comme tu dis, quoi, d'un lieu à un autre, découvrir le court-métrage, prendre des cours, avoir envie de prendre des cours de scénario en sortant de l'armée, puisque j'avais commencé à faire des choses à l'armée, je me suis dit, en rentrant dans la vie active d'après, quoi. Mais pourquoi finalement pas prendre des cours de scénario et puis découvrir? Donc toujours comme ça, finalement, d'être au contact de gens qui faisaient des choses, des cours d'acteurs ensuite, enfin. Et puis de fil en aiguille, effectivement, de se faire un tout petit peu repérer par une personne ou deux, jusqu'au jour où moi j'étais inscrit à la maison du film court, où plein de gens qui comme ça débarquaient sans avoir de réseau pouvaient s'inscrire. Et donc moi j'étais pompeusement inscrit en tant que comédien, parce qu'on avait accès à des annonces de casting, tout ça, enfin, ou des projets de court métrage qui se mettaient en place, quoi. Et de finir par s'entendre dire par quelqu'un qui travaillait là-bas, est-ce que tu voudrais pas, je vois bien que le court métrage ça te branche, tu t'y intéresses et tout, est-ce que tu voudrais pas nous rejoindre à la semaine de la critique pour la sélection de court métrage, parce que on a besoin de gens, quoi. Moi, première surprise, et disant, mais je savais même pas qu'il y avait à Cannes une section qui s'appelait la semaine de la critique, encore moins surtout qu'il y avait le syndicat français de la critique de cinéma qui s'occupait de la semaine de la critique, et donc de dire, mais comment ça se passe, quoi. Et la personne qui me dit, qui est donc Richard Sidi, qui aujourd'hui est le délégué général de la maison du film court, me dit, c'est simple, tu présentes ton dossier avec les émissions que tu fais à Radio Libertaire et tout ça, puisque j'étais déjà à la radio, quoi. Et il te faut deux parrains. Donc moi j'en suis un, et il faut que t'en trouves un deuxième. On était au festival Côté Court à Pantin, c'était la journée de remise des prix, et donc je demande à Patrice Carré qui était là et qui aujourd'hui travaille au film français, qui me connaissait un petit peu, je lui dis il me fait pas de problème, je suis ton deuxième parrain. Et donc c'est comme ça que j'arrive à Cannes, quoi, en fait. Toujours donc du réseau, mais improbable. Du réseau, mais je reviens là-dessus. Passion, j'ai l'impression que ça, c'est pas forcément dire je vais prendre ma carte de ceci, je vais pas, c'est juste tiens, je connais un tel, j'ai envie de défendre tel film, allons-y, et c'est vraiment ça, c'est le plaisir. Oui. C'est des envies, quoi, tu vois, juste avant d'arriver à Radio Libertaire, moi je m'occupe, et c'est comme ça que j'ai connu la radio, je m'occupais d'une revue de nouvelles qui s'appelait Quelques mots, et sur laquelle on publiait des nouvelles. et des scénarios de court-métrage. Et donc voilà, c'était une envie, un désir que de gens que j'avais rencontrés de la bande dessinée, parce que je m'intéressais vachement à la BD, et qui un des membres de l'équipe de ce fanzine qui s'appelait Le Goinfre voulait créer quelque chose d'autre à côté, mais plus littéraire, mais en gardant l'idée que ce soit illustré. Donc il y avait déjà peut-être beaucoup, si on veut voir des liens avec l'animation, il y avait comme ça beaucoup cette présence. Alors juste d'une partie, hein, le dessin en l'occurrence, quoi. Mais voilà, il y avait ça, et donc se dire, bah on va y aller. Et moi j'avais dit d'entrée de jeu, puisque mon boulot à côté c'est comptable, on m'avait dit, tu veux pas être trésorier ? J'avais dit certainement pas. Donc vous trouvez quelqu'un, et moi par contre je veux bien être rédac chef adjoint ou rédac chef, et puis il y a un directeur de publication. Enfin voilà, mais travailler sur les textes et travailler sur les scénarios dont qu'on va publier. Et je sais que dans la soirée normalement de Delphine Maury, tu dois montrer ce magnifique film d'Yvon Marciano qui est Émilie Muller, donc là qui sera l'incartade prise de vue réelle au sein du festival. Bah, c'est vrai que le premier contact avec un réalisateur, moi ça a été Yvon Marciano, parce qu'on a publié le scénario d'Émilie Muller, et c'est un film que j'avais découvert dans une soirée organisée par l'agence du court-métrage, quoi. Et donc voilà, c'est pas forcément effectivement pour te rejoindre sur la passion et sur le fait comme ça de déambuler, quoi. C'est pas un truc super cadré avec voilà mon plan de carrière dans le cinéma et ça va être ça, quoi. Et à la fin, je serai au César. Alors, si j'ai voulu ce début et parler un peu plus de toi, parce que d'abord, t'en parles pas beaucoup, et ce que je peux comprendre, parce que c'est pas forcément toujours le lieu, mais donc je suis content de pouvoir l'avoir fait ici, c'est parce que justement, souvent, on a des gens qui. On est de plus en plus dans des sociétés où tu commences à 15 ans et demi, c'est possible d'avoir fait ton premier court-métrage, à 18 ans, t'as ton premier long-métrage, et à 20 ans, t'as ton premier Oscar, sinon, t'as quand même un peu à louper. Et je trouve intéressant, finalement, de garder l'énergie, l'envie nécessaire pour se dire, OK. À tel âge, peut-être que je ferai ce que tu as fait, mon premier court-métrage d'animation, et ne jamais perdre en fait cette envie-là. Ce qui est complexe des fois aujourd'hui. Oui, bah, ce qui est complexe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les choses doivent aller vite, quoi. Et que donc, tu as l'impression d'être un peu sur les chemins de traverse, et je suis l'antique Xavier Dolan, quoi. et que donc, tu dis, bah, ouais, il y a des moments où tu dis, mais en fait, je fais rien, quoi. J'avance pas. Et en fait, voilà. Aujourd'hui, voilà, je vais être présenté dans un festival au même endroit que Samuel va être présenté. Moi, je me dis, c'est super, quoi. C'était complètement inattendu. Et je suis pas Xavier Dolan non plus. Hein. Oui, mais quand même. Non, mais je veux dire, voilà, avec des gens, moi, dont j'ai pu apprécier le travail, moi, d'un seul coup, j'arrive, je débarque un peu, quoi. Donc c'est ça aussi la différence. Cours de récré, on en a déjà parlé, mais évidemment, on va en parler un tout petit peu. On en a déjà parlé ici, puisque tu trouves Claire un Gamberti après plein de recherches, enfin pas plein, mais quelques recherches, on va dire, et notamment à l'EMCA. Tout à fait. Donc l'école de l'EMCA. Qu'est-ce qui te fait que. C'est quoi la rencontre quand on n'est pas animateur, quand on est réalisateur, quand on a écrit le scénario, hein, et qu'on rencontre quelqu'un? Comment on parle avec cette personne graphiquement en disant ah, je préférais que ce soit un peu plus rouge, un peu plus vert. Enfin, c'est quoi la discussion entre deux personnes C'est une bonne question, parce que je ne sais pas comment on l'a eu en fait avec Claire, puisqu'à un moment, je vais peut-être faire hurler Samuel, on a fait presque comme un casting d'animateur, quoi. Comme on ferait un casting d'acteur, et qu'il y avait deux réalisatrices, puisque l'idée c'était vraiment qu'il y ait une co-réalisation. Moi, au point de départ, je voulais peut-être juste faire le scénario, et là c'est Fabrice en tant que producteur qui a dit, mais c'est en même temps, c'est ton projet, il y a plein de choses que tu as mises dedans, et je pense que tu as aussi des idées par rapport à, donc je veux que ça soit une choréale. Bon, bah ok. Et donc, elles étaient deux. Et peut-être que dans un premier temps, bah, ça a été un petit peu... avant la toute première rencontre, ça a été de découvrir déjà leur travail. Et là, bah, quand même, tu m'as beaucoup aidé. Il faut Non, mais il faut reparler de ça, puisque moi, c'est vrai que je faisais peut-être pas attention, même si sur Cannes, j'ai bossé pendant 10 ans et qu'on a avancé, je pense... avec le cinéma d'animation, quoi. Mais moi, c'était toujours ce qu'on appelle dans l'animation des films pro. Et évidemment, c'est des gens qui étaient passés par les écoles souvent, mais en tout cas dans ceux qu'on a présenté à Cannes, pas mal d'entre eux, quoi. Mais je faisais pas attention forcément à ce qu'ils avaient fait à l'école et à leurs films de fin d'études. Et là, évidemment, de se dire, il faut une co-réalisatrice, puisque moi j'y tenais vraiment à ce que, puisqu'on parle d'histoire d'amour, j'avais j'avais vraiment envie qu'il y ait les deux regards. Moi, j'amenais le côté macho, quoi. Et puis la co-réalisatrice amènerait le côté sensible que je n'ai pas, quoi. Et donc l'idée, c'était effectivement, et grâce à toi, là, c'était de se dire. Peut-être qu'il faut travailler avec quelqu'un qui sort de l'école, qui a peut-être pas encore un premier projet pro derrière, ce qui est de moins en moins vrai, mais il faut le reconnaître, quoi. Mais à l'époque, ça l'était peut-être encore un petit peu, et qui peut-être sera rassuré de partager des responsabilités, et qui évidemment aura envie de ce projet, quoi. Et donc, bah voilà, il y avait deux personnes, et peut-être que. En fait, la première rencontre, notamment avec Claire, je crois que même il faudrait plus lui reposer la question. Finalement, ça a été plus de lui parler du film, des ambiances, et de lui dire, ben voilà, là, il y a effectivement, il y a un scénario, donc là, t'as pas trop le choix de ce qui va être porté, quoi. Mais pour l'instant, t'as le choix, effectivement, du graphisme, même si, moi, il y avait quelques idées dans mon esprit, quoi, qui étaient le fait que le film ne commence pas de manière figurative. Et donc c'était à peine esquissé dans le scénario avec cette idée de tache de couleur que Claire a évidemment beaucoup plus développée, beaucoup plus ramenée dans le récit. Mais peut-être que effectivement, comme on travaillait sur la mémoire, puisque là où la nouvelle était linéaire, le film s'inscrit un peu comme un flashback. C'était de travailler énormément sur la sensation de blanc. Que le blanc soit très présent à l'image, puisque c'est les limbes de la mémoire et tout n'est pas figé, tout n'est pas forcément présent de manière bien définie. Donc garder cette possibilité du blanc, cette possibilité de quelque chose qui s'aère. Et donc, à partir de ces quelques éléments-là, je pense que Claire, voilà, a fait des propositions et que petit à petit, on a avancé autour de ces propositions pour affiner, par exemple, que effectivement, le personnage de Delphine, voilà, des trucs très bêtes. Au début, je trouvais, le type qui fait pas d'animation, le nez, il est trop long. Bon, bah, je vais raccourcir le nez, ok. Mais des choses après, voilà, très, j'ai envie de dire très du point de détail. Et puis, une fois que tout est bien fixé, tout est bien mis en place, voilà, on avance après sur les différentes étapes. Et à chaque fois, c'est beaucoup de discussions. Finalement, au bout du compte, c'est des discussions à trois. Dans toutes les étapes avant la fabrication pure de l'anime. Le producteur et les deux réals. Voilà, donc on a avancé comme ça avec beaucoup de discussions. Moi, revenant finalement, non pas sur la structure du scénario, mais retravaillant la place de la voix off, quand on voyait que peut-être il y en avait un peu trop, est-ce qu'on peut la condenser pour que ça passe sans que la durée fasse factice, parce qu'on doit caler la voix off, quoi. Absolument. Donc c'est des choses comme ça après, quoi. Comme je te dis, l'émission d'après est impitoyable, donc il faut que je fasse attention à l'heure. Surtout que c'est très bizarre, parce que là c'est 46, et là c'est presque 50, et il est 47, je regarde, pour pas. Évidemment, il n'y aura pas de générique de fin, donc je sais pas. Il est prêt. Il est prêt, bon, c'est trop fort, il me connaît trop bien. Le film, c'est un peu facile, évidemment, ça serait du mauvais journalisme, mais c'est vrai qu'on peut penser à... C'est une espèce de mélange assez étonnant entre quelque chose qu'on quasiment pas documentaire, mais comme récréation. De Claire Simon, avec cette difficulté de l'enfant, en tout cas dans la cour, loin des regards des adultes, et on voit la dureté finalement de ce monde, mais avec aussi tout un jeu sur une voix presque, non pas monochrome, enfin voilà, qui raconte ça et qui presque est glaçante finalement, dans ce, on va pas dire, hein, mais dans ce que ça amène de la cruauté de ces enfants. Oui, bah c'est sans doute, disons que la voix, donc. Comme on l'a travaillé avec Alice Buteau, qui donc la narratrice du film, c'est vrai que ça a été au maximum, non pas de faire une voix blanche, mais d'enlever des effets, à part un ou deux moments où là on a travaillé sur l'effet en n'étant pas sûr que ça marche après, mais en se disant on y va et puis on verra bien s'il fonctionne ou pas, mais c'était un sentiment comme ça, quoi. Par rapport à ce que tu dis de Claire Simon, mais de toute façon, c'est un des films que j'ai montré à Claire, quoi, en disant voilà, regarde-le. Et dans notre dossier de demande de subvention, une des premières choses qui était citée, un peu en exergue d'ailleurs, c'était cette phrase de Claire Simon qui raconte quand elle amène sa fille Manon à l'école pour la première fois, qu'elle voit la cour de récréation et qu'elle dit, eh ben, si elle s'en sort là, elle s'en sortira partout. Et finalement, maintenant je répète un peu ça, c'est cour de récré, c'est l'histoire d'enfants qui s'en sortent ou pas. Voilà, et certains malheureusement s'en sortent pas, et puis d'autres s'en sortiront. C'est comme ça finalement que c'est que les deux peut-être se rencontrent. Il y a un parallèle qui se veut léger, mais qui est évidemment là avec le monde adulte, les profs, les parents, et finalement cette presque, j'ai envie de dire, cette non pas que c'est pas une, un monde moins dur, le monde adulte, mais où finalement on se parle plus, on n'est plus forcément dans, même si ça peut être des crises, ça peut être des choses dures, où il y a presque une discussion, alors que chez l'enfant, il y a finalement pas tellement de discussion, il y a plus un rejet ou une acceptation, mais... Bah, c'est parce que après on a appris à se polisser, quoi. Je me dis ça parce que j'ai pas encore réfléchi effectivement de manière consciente par rapport à ça, et que c'est plus spontané, quoi. Chez les enfants, bah voilà, je t'aime pas ou t'es moche et tout. Après on va pas forcément dire ça. On va dire j'aimerais que nous restions amis. C'est ça. Il y a cette le côté sociétal. On est obligé de faire un effort en tout cas par rapport à ça. C'est un film, quand tu l'as terminé, quand on fait son premier film, on est quoi ? On est content, on est comme d'autres réalisateurs que j'ai reçus souvent à ce micro, tu as dû en recevoir, qui disent, moi il est hors de question que je regarde, je sais qu'à un moment donné c'était Sarah Vandenboom qui disait, je crois qu'elle ne pouvait même pas regarder, à Annecy, elle ne pouvait pas regarder le film quand il passait sur le grand écran, elle fermait les yeux tellement c'était dur pour elle de le regarder. Samuel va nous répondre après, mais toi déjà Francis, c'est quoi, c'est un film où... Non, ça dépend. Par rapport aux projections, ça va vraiment dépendre des projections. Là, je sais que je l'ai vu à San Paolo et en fait, j'étais uniquement concentré sur le sous-titrage électronique, donc pas sur celui qu'il y avait dans le film en anglais, mais sur le sous-titrage électronique en portugais, voir s'il démarrait au bon moment. Donc, j'ai pas du tout vu le film, mais je sais qu'à d'autres moments, bah, par exemple, il a été montré une fois à la Cinémathèque. C'est vrai que d'un seul coup, c'est de se laisser peut-être pas prendre, mais en tout cas absorber par d'un seul coup ce que le film va peut-être proposer, et de voir qu'il y a comme ça des moments où soi-même on ressent une magie. Moi, je sais qu'à la Cinémathèque, j'avais été très surpris au moment où arrive la chanson de Mathilde Forget, parce que d'un seul coup, elle prenait tout l'espace à la Cinémathèque. Le son était vraiment extraordinaire à ce moment-là, et que du coup, j'avais une sensation par rapport à la chanson qui était magique, quoi. Donc, on est content de l'avoir fini. On se dit, oh, on l'a fini, c'est incroyable, quoi. Surtout quand c'est la première fois et qu'on a découvert plein de choses en plein d'étapes, quoi. Que ce soit les étapes de l'animation et même du son, même si sur le son, j'avais évidemment plus l'habitude entre la musique, le travail avec les acteurs, mais c'était une première fois à chaque fois, quoi. Donc forcément, c'est d'avoir traversé plein de premières fois qui ne se reproduiront pas, même si derrière on peut avoir un deuxième projet de film ou quoi que ce soit. Samuel, toi, tu viens d'Annecy, l'Oiseau avait été présenté hors compétition, Panorama comme ça s'appelait à Annecy. Là, ça doit être quelque chose d'y retourner, même si on n'a plus la pression du public, de la présentation, d'être sur ce nouveau Bonlieu. Bon, moi, j'étais pour des raisons personnelles content d'être à Bonlieu, parce que c'est là où j'ai vu mes premiers films d'animation quand j'étais tout petit. Mais indépendamment de ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le film. J'étais très excité, même si ça n'a pas toujours été évident. Mais en fait, le film, j'arrive pas à le voir réellement. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on peut fermer les yeux, ce qui est peut-être la meilleure manière de ne pas le voir. Mais même si quand on les garde ouverts, on voit le hors-champ, ce qui a pas fonctionné, ce qu'on aurait voulu perfectionner, donc en fait on voit pas vraiment le film. Alors peut-être au bout de beaucoup d'années de recul, et on a oublié comment on l'a fait, et on arrive à le recevoir à nouveau, mais moi j'arrive pas vraiment encore à ça. Non. Ça dépend vraiment des réalisateurs, visiblement. Oui, mais en même temps Francis, je suis aussi d'accord, quoi, les choses qui soit pas qui fonctionnent pas, mais soit on les regrets. Qu'on a raté, soit les regrets. Moi, j'en ai un spécifique qui, là, ne tient pas à l'animation. Donc, c'est pour ça que je peux l'exprimer, parce que je sais qu'on a eu quand même peu de temps, 4 mois, pour faire les 9 minutes avec une toute petite équipe, et que je pense que Claire, elle s'en est sortie assez magnifiquement. Qu'on apprécie ou pas les choix esthétiques, puisqu'il y a plein de gens qui sont dérangés justement par ce graphisme enfantin, et que souvent ça revient dans les retours que j'ai, mais nous, on les a validés, et c'était complètement notre volonté de pas rajouter du sombre au sombre. Mais qu'effectivement, il y a des choses où t'as pas voulu jusqu'au bout imposer, parce que tu discutes avec les gens, et c'est normal d'écouter les collaborateurs du film. Ils ont un point de vue, ils ont peut-être plus de recul, et t'as dit bon, ok, alors je vais le travailler différemment. Et tu vois le film, tu dis eh ben là, il me manque mes 2 secondes de silence absolu, et j'aurais dû les mettre, quoi. Est-ce qu'on n'aura pas le temps de faire, et puis de toute façon, on a déjà eu ici, mais ça m'intéresse, est-ce que c'est intéressant de montrer les films à des gens qui ne sont pas forcément justement, alors là par exemple de l'animation, toi tu évidemment tu connais beaucoup de plasticiens, t'as été à la Casa Velasquez, enfin tu fais des résidences comme ça plutôt d'artistes plasticiens, est-ce que tu leur montres tes films, quel est le rapport à ça, et toi Francis, la Sao Paulo c'était un festival généraliste comme tu le dis, c'est quoi le... c'est important pour vous aussi, pas uniquement de le montrer dans le petit milieu de l'animation, Samuel? Oui, c'est important, après il y a quand même un cloisonnement qui reste là parce que les encore une fois les attentes sont pas forcément les mêmes, les références sont pas forcément les mêmes. C'est vrai que l'animation, c'est le court-métrage d'animation, c'est un continent qui est très très riche et mais qui est pas très connu hors des aficionados. Mais après bon voilà, les retours que j'ai eus c'était plutôt des gens qui étaient assez intrigués par le projet quoi. Les gens d'animation, tu as cité des gens comme Kentridge par exemple, faut le savoir, refuse aujourd'hui de participer à des festivals d'animation alors que il a basé aussi une grande partie de son travail sur l'animation. J'en ai perdu ma question presque en parlant de Kentridge. Oui, les gens de l'animation voient le monde de l'art contemporain comme un monde de requins terribles, absolument incroyables. Je pense que les gens de l'art contemporain voient le monde de l'animation comme ça, comme monde, bon, ils sont sympathiques, mais quand même, ça va pas forcément très loin. Je caricature évidemment ces deux parties. Toi qui vois les deux, c'est je sais pas. Est-ce que je confirme les clichés ? Est-ce que tu confirmes les clichés ? Et est-ce que surtout pour toi, c'est important d'être, de faire partie des deux finalement et de pas être que dans un des deux ? J'essaie pas de faire partie d'un truc ou de l'autre. J'essaie de naviguer dans des désirs et des techniques, des médiums qui m'intéressent et qui parviennent à être au plus proche de ce que je veux exprimer ou même si j'aime pas trop ce terme-là. Ouais, c'est compliqué parce que l'art contemporain, il y a plein de monde aussi dans l'art contemporain. Après, c'est un peu comme partout. C'est vrai que le travail que nécessite un film d'animation, le fait d'être confronté à des processus de création qui sont quand même très très longs, en général, même sur des gens qui sont très très connus, très réputés, ça crée quand même, ça sculpte un caractère qui est parfois un peu plus humble, un peu plus modeste, un peu plus ancré. Après, il y a aussi un rapport artisanal qui est très présent dans le cinéma d'animation, qui a tendance parfois aussi à être évacué dans l'art contemporain, où il y a parfois des plasticiens qui sont qui conçoivent des projets et dont l'exécution est complètement déléguée. Donc voilà, c'est vrai que la manière d'envisager le médium, elle nous travaille aussi. Donc c'est aussi des choix et c'est normal. Je trouve que ça puisse avoir des conséquences quoi sur le. Avant de laisser répondre Francis, non, je voulais juste rester là-dessus. C'est que quand noyé regarde... le poisson là. Non, mais quand on regarde ton site par exemple, c'est vrai que souvent, et encore une fois, c'est une caricature et j'en suis désolé, mais. Alors n'allez pas le voir, il est pas du tout à jour. Mais oui, c'est vrai, mais l'art contemporain par exemple, il y a toujours. Malheureusement, ce qui fait l'un des défauts, en tout cas pour moi, l'art contemporain, c'est ces discours des fois très pompeux et dont on ne comprend rien, qu'on en a aussi en animation. Des fois, quand on lit des résumés, on se dit, mais c'est pas le même film que je suis en train de voir. Et j'ai l'impression que ta démarche, en tout cas moi, quand je lis très très bêtement, je comprends ta démarche, je comprends, t'as des mots, hein, c'est fragmentation, enfin voilà, j'ai pas tous les mots, mais il y a plein de choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'on comprenne, enfin. Ouais, est-ce que tu vois ce que je veux dire là? On termine, je mâche un peu mes mots, mais on comprend ta démarche. Il n'y a pas l'idée d'une intellectualisation qui peut être intéressante, mais à tout craint, on va dire. Ouais, alors bon, parfois moi, j'ai l'impression de me perdre dans des méandres un peu intello, mais bon, après c'est sûr que j'ai dans mon travail de sculpture, j'ai un rapport qui reste ancré à une forme de modernité sur des questions liées au corps, donc qui ramène à peut-être des choses qui sont un peu plus accessibles, quoi. J'ai pas de... Et après, moi, j'essaye de... Même si parfois j'ai des intentions qui peuvent être parfois un peu conceptuelles ou autres, elles ont toujours une traduction qui reste assez sensible et à laquelle je tiens, donc c'est un peu cette espèce de il faut toujours un peu tenir les deux versants pour pas tomber ni dans un sens ni dans un autre, quoi. Francis, toi je sais que c'est important de toujours décloisonner ces deux entre leur toi la prise de vue continue réelle comme on l'appelle et le live, voilà, le live en anglais et l'image par image, il y a toujours eu ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu défendras plus l'animation quand tu seras avec des gens du live et le live quand tu seras avec des gens de l'animation, mais alors complètement, ouais. Je m'en suis rendu compte puisque hier j'ai eu le plaisir de répondre à une interview pour le festival, ce qui sera une petite capsule, mais on a pratiquement eu une heure et demie d'entretien, et je me suis rendu compte que effectivement, toutes les références que j'ai utilisées hier dans l'entretien sont que du live. Et les gens dont j'ai parlé, ce sont que des gens de live. J'ai cité Michael Hertz, Manson Love, Christy Pugh, enfin voilà quoi. Et les références qui étaient entre autres celles par rapport au film, les réalisateurs dont je parlais souvent avec Claire ou avec Fabrice, leur envoyant des textes de réflexion, ou avec Sabrina pour la musique, c'était Michael Haneke et Alain René, quoi. Voilà, et pas très rarement, mais de manière différente par rapport à des gens de l'anime. Et quand je suis effectivement avec des gens du live, par rapport à la vision qu'ils peuvent avoir de l'animation, sachant qu'elle est en train de se modifier, cette vision, ouais, vu un certain nombre de succès qu'il y a, vu le nombre de gens du live qui viennent travailler sur l'animation, ne serait-ce que des scénaristes comme Pascal Ferrand, Céline Sciamma, elle-même réalisatrice, mais ça se décloisonne un petit peu, mais leur dire que non, l'animation c'est pas que du jeune public et qu'il y a des très beaux films, que ce soit Alain Huguetto ou Sébastien Odenbach, et que voilà, c'est ça aussi, que pas que du cinéma familial. Mais ma petite folie en ce moment, c'est de dire que moi je ne rêve que d'une chose, c'est de faire un film d'animation auquel l'animation n'apportera absolument rien, donc de faire par exemple un film d'Olivier Assayas en animation. La seule chose que l'animation apportera, bien évidemment, c'est une transcendance du réel, puisqu'elle en est une représentation et non pas le reflet. C'est Rémi Chaillet dans une interview récemment par rapport à Tout en haut du monde qui dit que les films de prise du vue réel ressemblent de plus en plus à des films d'animation, puisqu'il y a plein de choses d'animation. Il disait que lui, par exemple, Tout en haut du monde pourrait avoir été fait finalement en prise de vue réelle et pas forcément en animation, en tout cas voilà, au niveau purement technique. Ça pourrait être Moonfleet, hein. C'est complètement ça. Vous allez avoir un moment donné exceptionnel, vous l'avez entendu en tant qu'invité, vous allez l'avoir en tant qu'animateur. On a dépassé parce que c'est lui qui a parlé, donc on a pu dépasser, sinon on serait fait absolument massacrer. Merci beaucoup à Tamara, merci à Samuel, merci à Francis. On se retrouve, s'il vous plaît, j'espère nombreux, du 13 au 18 au Théâtre de Ménilmontant. Vous pourrez les rencontrer. Voilà, vous avez tout sur le site. Et à bientôt, Nicolas. La prochaine, c'est sur la critique avec encore Francis Gavel. Allez, à très vite, bye bye.